Ciao. Eh ben, c'est terminé pour ce soir. Merci pour cette pour semaine. Ouais, on s'est régalé, hein, franchement, avec vous. On vous retrouve, c'est lundi soir en direct. Oui. Un gros week-end qui s'annonce et la course des héros, notamment dimanche soir. Dimanche matin. Dimanche soir, ouais. Putain, dimanche matin, c'est vrai. Dimanche matin. Non, parce que moi, j'aimerais bien que ce soit le soir, en fait. Oui, non, c'est à 9h du matin au domaine de la porte de Saint-Cloud. C'est ça, au domaine Saint-Cloud. On court pour l'association de Grégory Lemarchal. C'est ça, qui lutte contre la mucoviscidose. Donc, vous pouvez venir, vous ne pouvez plus courir maintenant ce qu'il fallait être inscrit, mais vous pouvez venir nous vous moquer de nous, de certains d'entre nous. Tu parles de Karel? Oui, bien sûr. Bah oui. Bordel de merde. C'est quoi cette... Ça fait à peu près... Allez, 15 ans qu'il a pas couru. Il va courir avec sa troisième jambe ou pas? Putain, j'étais un athlète, moi. Ah bon? Oui, j'étais. C'est comme Ronaldo, Ronaldo au Brésil. Hein. C'est un athlète et maintenant c'est un gros. Hein, c'est... Ouais, ça va, je suis pas gros. Merde. Enfin, pas gros. Tu sais quoi? Je dis rien. On verra lundi si j'ai assuré ou pas. Voilà, exactement. Parce que nous, on va aller nager à Marseille, pépère. Ah, c'est vrai, une grosse émission dimanche. On va se mettre bien là avec le Party Fun Live vendredi soir. À la cool. Voilà. À la bien, comme on dit là-bas. À la bien. Exactement, ouais. Bon week-end à vous alors. Bisous tout le monde, à lundi. Salut. Et puis nous, on est parti en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio, c'est parti. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. J'ai vu la merde de taf, en fait, je l'ai pénétré et puis là, je viens de la ressortir ma bite. Elle est pleine, tiens, elle est dégueulasse. Eh, faut qu'on me donne un conseil là. T'as pas autre chose à faire à 2h du mat? Non, à part me branler. Je pense que nous avons créé une génération de cons. T'as quel âge, papa? Papa, il en a que 42. Hein. Dis donc, tu crois que j'ai quel âge? D'après ce que j'ai vu sur Facebook, tu fais. Facebook, sur Fredbook. Non, c'est Fredbook, c'est un book de fraises. Voilà. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram. Et maintenant, en live. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun. Bonsoir tout le monde. Et le match vient de terminer entre l'Uruguay et l'Angleterre. Et l'Angleterre, encore une grosse équipe qui va probablement nous quitter. Enfin, quitter la Coupe du Monde en tout cas. Ouais. Donc dur hein, pour les Anglais là. Ah là là. On verra demain avec le match de l'Italie face au Costa Rica comment ça va se passer. On vous tiendra au courant, bien entendu. En tout cas, c'est la dernière de la semaine déjà. Eh oui. Mais on sera de retour dimanche dès 20h en direct de Marseille. Et si vous voulez nous suivre pendant tout le week-end, eh bien vous me faites un petit follow sur le Twitter de l'émission, tapez @MIKAEL_officiel ou sur le Facebook, là aussi c'est @MIKAEL_officiel pour venir nous rejoindre. Si vous avez quelque chose à dire, eh ben appelez-nous comme tous les soirs, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique fonctionne, on est là pour vous écouter. Sandro, nouveau tatou apparemment d'après ce que j'ai entendu ou pas? Ah ouais. Ah ouais, où ça? Bah parce que je sais tout. il est où le tatou? Je l'ai fait au poignet. Au poignet, il ressemble à quoi? C'est un petit cœur. Oh, c'est choupignon. Pour Toff? Oui, pour Toff. Quelle horreur. Oh, quelle horreur. Bon, Toff qui est toujours évidemment à la recherche de nouveaux amis. De trou du cul. Voilà. Je te donne rendez-vous quelque part et puis je t'en fous plein le cul, moi. Eh ben voilà, en toute simplicité. Exactement, hein. T'as envie de te faire enculer? N'est-ce pas? Putain, laisse-moi enculer. Voilà, donc tous ces amis que nous rencontrerons, j'espère encore en tout cas, une nouvelle fois ce soir. Si vous avez des numéros de téléphone sympathiques, de gens aussi sympathiques que ceux-là justement, bah, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et à Chouchita sur le Twitter, salut la team. C'est parti jusqu'à 2h du mat pour la dernière de la semaine. Et oui, dernière de la semaine, on est au taquet ce soir, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous l'êtes également. Il y a Virginie66, bonsoir tout le monde. Julie également, salut, je vous écoute tous les soirs. C'est possible d'avoir un message de bien. Bienvenue pour moi et ma pote qui est à côté de moi. Écoute, si tu veux, petit message de bienvenue avec plaisir. Je t'espère mon moment au visage. Voilà, et alors Jules, salut, je vous écoute tous les soirs. Ah oui, ça je viens de le lire. Et Devers45, salut ma team de beau gosse, sauf Toff bien sûr, qui fait partie des moches, mort de rire, mais salut quand même à lui. Eh ben salut à gentil. Toi Devers45. Allez, attention, ce soir il y a du lourd avec du son évidemment. Je vous ai calé. Il y aura Duro tout à l'heure, il y aura aussi Avicii. Et puis un morceau que j'aime beaucoup aussi, il y aura Saya. Et si vous avez envie de proposer des sons, hein, vous êtes évidemment les bienvenus. Il suffit de demander maintenant, vous balancez votre message avec le hashtag MIKL. Et puis si vous avez envie d'écouter un son, vous demandez, on vous le passe avec plaisir évidemment tout au long de l'émission. Attention également ce soir, il y a du foot. On va suivre le match qui va suivre bien entendu dans quelques instants. Et enfin vers minuit. Et puis on a surtout le pack, la Total Foot avec le. Ce soir j'offre tout en même temps. Oh là là. Ah j'en ai rien à foutre. Oh là là. Je vous mets les chaussures de foot avec crampons, tout ça, ça vaut 250 euros. Je vous mets le ballon de foot officiel du mondial 2014 et le maillot de l'équipe au choix. Ce soir également, comme pour l'Espagne, on fait moins 80% sur le maillot de l'Angleterre. Donc si vous voulez. Trêve plaisanterie, vous choisissez le maillot que vous voulez, de l'équipe que vous voulez. C'est offert par ProDirect Soccer et Fun Radio. Et pour gagner, il suffit de répondre à la question de ce soir. L'Espagne s'est inclinée, vous le savez. La Roja s'est inclinée et est sortie du mondial 2014. Mais s'est inclinée à quel score? Quel était le score d'hier? 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement MIKL suivi de la réponse au 64 900. Vous mettez donc la réponse 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5. Quel était le score final d'hier entre l'Espagne et le Chili? Je vous souhaite bonne chance et vous pouvez jouer aussi depuis la Belgique en envoyant Mickaël au 63-22 en mettant votre réponse bien sûr. Maëva aussi, salut Mickaël. Je suis plus privé de radio ni de téléphone, je peux enfin vous réécouter et commenter l'émission, mais manqué. Ah ça faisait longtemps Maëva qu'on t'avait plus vu, c'est vrai ça. Bah oui. Et Fredes34, bonsoir la team, hello tout le monde, salut à toi également Fredes34. Il y a Polo qui est là également là, qui organise les troupes de l'armée des loups pour le débarquement à Marseille ce week-end. Et d'ailleurs il y a Thomas qui est avec nous maintenant là. Salut Thomas. Ouais Mickaël. Ça va Thomas? Ouais. T'es un doux toi Thomas, hein. Ça s'entend tout de suite là. Hein. Ouais. Ah ouais, là ouais. Quel âge le doux? 9 ans. Combien? 9. Oh putain, t'es encore dans l'unité. Ouais. T'es pas dans la dizaine ou y a pas deux chiffres. Oh 9. C'est beau. Oh, il c'est est tout beau. Neuf justement. Ah ouais, tu veux devenir un doux officiel? Oui. Bon attends, je te passe Polo alors direct là. Salut, allez, c'est parti. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de fun qui n'ont pas mué et qui n'ont pas encore 15 ans. Dont là, le Thomas, là pour le coup, 9 ans et alors la voix aiguë, c'est parfait. Hein. Thomas, tu veux rentrer dans l'armée des doux? Oui. Moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, je peux accéder à ta demande. Es-tu prêt? Oui. Mets-toi à genoux. C'est oui. Fait? Allô? Oui. Insulte-toi, Thomas. Je suis un sale idiot. Encore? Un sale con. Encore? Oh mais je peux pas, il y a mes parents qui écoutent. Stop alors. Tu peux dire un sale tof. Un sale tof. C'est voilà. la pire des insultes. Ensuite, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite, jeune doux? Oui. Ah, tape-toi sur la tête. Non. Espèce d'escroc. C'est un tube. T'es en train de taper sur une table ou un tube. C'est sur ta tête qu'il faut taper. Allez. Ou alors t'as vraiment rien dedans. Hein. Ou alors, pas forcément violemment, hein. Tu tapes un peu quoi. Attends, tape sur ta tête. C'est genre, je tape avec mon stylo sur le micro, n'importe quoi. Le doux. Oui. Allez, tape sur ta tête, vraiment. Allez, Thomas. Mais... Thomas. Et en plus, oui. Avec la violence avec laquelle il tape, t'es en train de t'ouvrir le crâne, là. Tu tapes pas sur ta tête, Thomas, là, t'es en train de nous escroquer. Tu vas pas pouvoir être doux. Eh oui, tu vas... Tu, Si. Ah non. C'est que c'est le fixe. Et alors? Bah, je peux pas. Bah tu peux taper sur ta tête avec le fixe, avec le combiné, avec le téléphone, juste avec le truc que t'as en main là qui collait à ton oreille. Oui. Eh bah tape-le sur ta tête. Tape. Ah peut-être ça rebondit. Bon, ça suffit bon, Thomas. Allez, dans le doute. Allez, dans le doute. Dans le doute. Thomas, tu es officiellement un doux, bravo. Tu seras le doux sans tête. Voilà, c'est ça. Le doux vide. Le doux vide. Bon, le doux sans tête, n'oublie pas qu'il y a une lourde charge sur tes épaules qui repose sur tes épaules plutôt, puisque tu dois prévenir tous tes amis, toute ton école qu'il faut écouter l'émission le soir. C'est déjà fait? Ouais. Continue encore avec les autres classes. Sale doux. D'accord, tous les soirs 23h-2h, on est sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, et le dimanche de 20h à minuit. Et dimanche, on est en direct d'où, Thomas? Marseille. Eh oui, de Marseille. Bon, toi, t'es d'où, toi? T'es à Montluçon. Et ça va être compliqué de passer nous voir. Mais j'espère que t'écouteras l'émission en direct de Marseille. 400 bornes. Ah oui, c'est 400 bornes, oui, c'est ça. Bah, tu peux venir à pied, tu pars maintenant. Voilà, c'est parfait. On t'attend à Marseille, du coup, Thomas. Salut, Thomas. Bye. Allez, ciao à toi, Thomas. Bon, si vous voulez devenir doux, n'hésitez pas, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez au 01 42 48 5000. Bon, faut qu'on parle aussi, là, de cette histoire. C'est quoi cet acharnement sur le pauvre Victor Hugo, là? Non mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le bac de français? Ah oui, je sais pas, mais là ils sont lâchés. Hein. Oh là là, vous l'avez insulté toute la journée, c'est d'une violence. Ouais. Bon, si vous l'avez passé, là, venez nous en parler, le bac de français aujourd'hui. Je vais vous lire les tweets qui ont été postés après les examens, là, enfin après l'examen. C'est d'une violence, c'est quand même assez un truc de ouf. Voilà, donc si vous avez passé le bac français ce matin, et eh ben appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000. Et puis, bah, vous pouvez aussi envoyer Mickaël et votre message au 64 900. Laissez bien votre numéro de téléphone hein, pour qu'on puisse vous rappeler, bien entendu. C'est pareil pour gagner vos maillots de foot. D'ailleurs, je vais vous en parler d'ici quelques minutes des maillots de foot. Alors également, l'autre grosse information. Hier, on a terminé avec Damien, le canulariste. Oh là là. Qui a voulu canulariser. Bah, c'est normal. Évidemment. Et qui, nous a annoncé qu'il avait fait une nouvelle chanson, là. Damien qui est avec nous. T'es là, Damien? Ouais, je suis là. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Et toi? Bon, Damien, le canulariste, hein, c'est ça, hein? Ouais. Très bien. Bon, tu nous as envoyé ta nouvelle chanson? Ouais, et d'ailleurs, je vais en sortir une lundi. Tu vas quoi? Je vais en ressortir une lundi. Chaque chose en son temps. Reste calme. Reste calme, chaque chose en son temps, ok? D'accord. Bon. Damien, par celle-là déjà. Damien, tu as sorti ton nouveau single. Et ton nouveau single. Est-ce que tu. Ça veut dire quoi en français? Avant que je donne le titre en anglais, ça veut dire quoi en français ton nouveau single? Ça veut dire un seul, je pense. Un seul? C'est quoi? Quoi le seul? Un single, ça veut dire un seul truc. Oui, ah bah merci, je savais pas. Non, je te parle de ton titre. Tu vois le titre, qu'est-ce qu'il veut dire en français le titre? Ah ouais, de Yoann Sombode. Ouais, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire tu veux du pain. Ah, oui, alors faut qu'on parle. Faut qu'on parle parce que do you want, jusque-là tout va bien. Somme, ça s'écrit pas S-O-M. Et bread, à part la banque, B-R-E-D, je connais rien d'autre, tu vois. Je veux dire, hein. Donc, en termes d'orthographe, il y a un petit souci. C'est pas grave, c'est pas grave. On va d'abord, je vais le faire écouter à tout le monde. Est-ce que vous voulez écouter le son de Damien le canulariste avec le titre Do you want some bread? Voulez-vous du pain? Enfin, voulez-vous un peu de pain? Voilà, ouais, ouais, moi je veux. Bon bah alors très bien. Bah, si vous voulez, vous envoyez Mickaël et bah vous votez. Mickaël est là et votre message au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique et vous envoyez vos messages également avec le tweet hein, avec le hashtag Mickaël sur Fun. Laura qui dit ça commence bien avec Damien. Bah oui, ça commence très bien et Jeanne Françoise aussi. Insulter Victor Hugo, c'est quand même un peu misérable. Oh, oh la culture. Et Benjamin aussi, hâte d'écouter cette merde, cette tuerie. Vous êtes pas gentil. Bon, allez hop, on balance dans quelques minutes. Je vous mets un bout ou pas? Ouais. Un petit extrait. Allez, juste un intro. Se mettre, pour un peu l'apéro quoi. Voilà. Okay, bon alors, je vous mets l'apéro, écoutez. Je vous mets juste l'intro d'abord. Hello. So good. Do you want some bread? Your bread is fresh. On a trouvé Jean-Pierre Sauzer le nouveau. C'est Harlem. Et dans 25 ans, ils vont graver ouais. Les autres. Your bread is fresh. Non, écoute, là c'est quand même assez énorme. Donc Damien, le début est quand même plutôt pas mal. Ah ouais, non, putain, ouais. Et David Guetta, il doit avoir peur là. Ah bah franchement, David Guetta est en train de chier dans son froc là. Je pense qu'il vient de m'envoyer un message. Mon téléphone vibrait. J'ai pas vu qu'il m'avait envoyé le message, mais j'ai hâte d'écouter la suite. Est-ce que vous voulez écouter la suite du nouveau single de Damien? Alors donc Damien a quand même précisé que single ça veut dire un seul. Hein. Ouais. Donc un seul morceau, parce qu'on savait pas. Donc do you want some bread? Voulez-vous plus de, enfin un peu de pain? Donc le nouveau single de Damien, on va l'écouter dans quelques minutes. Vous n'hésitez pas, hein, 64 900, débutez le message par Mickaël et vous me dites oui ou non si vous voulez écouter le nouveau single de Damien. Et puis bah en attendant, Damien, alors on va faire, bon le morceau est moins bon, mais bon on va faire avec, on va se mettre le son de 10 euros avec 5 hours, d'accord? D'accord. Bon, c'est un peu moins bien, je suis désolé, mais bon on va d'abord demander aux auditeurs s'ils veulent écouter ton morceau. Hein. En fait. Oui. Lundi je sors une nouvelle musique. Oui, je pense que tu l'as déjà dit. Je t'ai dit chaque chose en son temps. On va d'abord se rassasier de celle-là, hein, Do You Want Some Bread, ouais, se rassasier. Et puis chaque chose en son temps, d'accord? D'accord. Très bien. Allez, bouge pas de là, Damien. Et sincèrement, si je vois que vous êtes nombreux, je m'engage à faire le spot promo avec ma voix gratos. Oh là là, ça c'est du lourd. Ouais, Fun Radio présente le nouveau single de Damien, Do You Want Some Bread. Oh ouais, ça peut être énorme. Sur sur Fun Radio. À l'instant, 5 Hours. On est au cœur du Nord sans pub. Bienvenue si vous venez d'arriver. C'est Mickaël No Limit. Il y aura le canular tout à l'heure. Hein. Restez bien là. Ce sera d'ici une grosse demi-heure, un petit peu avant minuit. Le canular du jeudi soir, comme tous les jeudis soirs d'ailleurs. Et puis, je vous rappelle encore une fois qu'il y a la totale ce soir. Le maillot de foot au choix d'une des équipes du Mondial 2014. Les chaussures de foot avec crampons, les vrais de vrais, hein, de Nike, Adidas ou Puma. Choisirez la marque que vous voulez. Et c'est celle avec laquelle ils jouent actuellement d'ailleurs les joueurs de foot, hein, tous les joueurs du Mondial. Donc, regardez bien celle que vous kiffez. Et puis, il y a également, bien entendu, le ballon de foot officiel offert par Pro Direct Soccer et par Fun Radio. Pour gagner, c'est facile. Vous devez simplement envoyer Mickaël et la réponse à la question que je vais vous poser. L'Espagne s'est inclinée hier face au Chili. Mais quel était le score final? 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5? Si vous avez la réponse, bah, comme je le disais, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 au 63 22 depuis la Belgique. On tire au sort avant minuit 30. Restez bien là. Et puis, bah, bonne chance. Comme je le dis d'habitude, en général, entre 23h et 2h du mat, bah, évidemment, il y a moins de monde que le matin, par exemple. Donc, vous avez plus de chances de gagner. Bonne chance, donc. Bon, on va récupérer Damien aussi dans quelques minutes. Parce qu'avec sa chanson, là, Do You Want Some Bread, il y a plein de messages qui sont arrivés. Arthur qui dit, j'en suis persuadé, Damien deviendra un jour un grand rappeur. C'est pour cela, il faut lui donner une chance ou pas. J'ai vraiment envie d'écouter cette connerie. Est-ce que tu veux du pain? Voilà, si vous envoyez plein de messages avec Mickaël et votre message au 64-900 ou avec le hashtag Mickaël sur Fun. Axel qui dit, trop bon son de Damien, sauf la voix mort de rire. Oui, on veut l'écouter son single. Oui, juste pour rigoler, lol. Il y avait quoi aussi? Oui, pour la musique de Damien, là, le canulariste. Follow Me Jay qui dit, oui, je veux l'écouter, bien sûr. J'ai envie de rire, péter de rire. Il y a Mr. Steven qui dit, c'est vrai que le chef-d'œuvre de Damien est inratable sous aucun prétexte même. Thibaut qui dit, Do You Want Some Bread, tube de l'été garanti. PS, petit morito à ta santé. Merci Thibaut. En revanche, je fais une petite faute d'orthographe, Thibaut, au titre. Hein. Ce n'est pas Bread, B-R-E-A-D, mais c'est bien B-R-E-D, comme la banque. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'il est écrit. Maxime aussi, oui, on veut écouter avec ta voix, s'il te plaît, au passage. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue, bien dégueulasse, s'il te plaît? C'est possible. Je nique ta mère, hein. Mon gros bâtard que tu es. Hein. Voilà, il y a pire comme dégueulasserie, mais il est déjà pas mal celle-là quand même. Thomas, vas-y, juste pour. Attends, vas-y, faut le mettre le single Damien là, c'est une tuerie. Nadia qui dit, pour une fois, je ne suis pas en retard, je ne regrette pas, sinon je serais passé à côté de ce chef-d'œuvre de Damien. Bon, ben, continuez à nous dire si vous voulez écouter le morceau de Damien. Je l'ai mis tout à l'heure, je vais le remettre un petit bout là. Écoutez bien pour ceux qui viennent d'arriver. Alors attention, c'est du très lourd hein, quand je le Hello. Disais là. So good. Do you want some bread? The bread is fresh. Mais où il a trouvé l'instru? Je sais pas. The bread is fresh. Et on pourra faire, Fun Radio présente Damien, Do You Want Some Bread en Party Fun. The bread is fresh. Mixé live par Quentin Moziman tous les samedis soirs sur Fun Radio. Damien. Voilà, j'en mets pas plus. Attendons le refrain parce que le refrain, je pense qu'il peut être lourd, très très lourd. Bon, donc voilà, si vous voulez l'écouter, vous envoyez Mickaël au 64-900 et votre message. Et puis vous pouvez aussi donner vos avis sur le Twitter avec le hashtag Mickaël sur Fun. Je viens de recevoir un coup de fil de Avicii, il veut le remixer. Non. Si, si, après Coldplay, il a dit ça m'intéresse. Surtout que Coldplay, il a fait ça en attendant. Là, il attendait surtout Damien, évidemment. Bien sûr. Bon, je vous en parlais tout à l'heure. Là, il y a eu le bac philo aujourd'hui. Là, Lilou qui est avec toute Bordeaux. Salut Lilou. Lilou ? Oula, moi je me mettrai encore un peu plus loin Lilou, on t'entend trop bien là. Ah voilà, ça a lieu Lilou ? Oui. Bon, t'as passé le bac toi ou pas ? Non du tout, c'était pas pour ça que j'ai appelé. Oui je sais, je m'en fous. Je te demandais si tu passais le bac. Non, ça fait longtemps. Ah oui, mais longtemps. Mais tu l'as passé ou tu n'as pas passé le bac ? Passé. Ah voilà, mais c'est la question que je te posais à la base. C'est est-ce que t'as passé le bac? Pas forcément aujourd'hui, hein, oui. Je parle dans l'absolu. Et le bac français, tu t'en souviens un peu? C'était merdique ou pas merdique? C'était chiant ou pas chiant? Surtout la philo. Surtout, non mais d'accord, mais le bac français. Ouais. Comment était le bac français? Est-ce que tu comprends les questions du monsieur? Le bac français. Monsieur, oui, on a bien vu. Comment était le bac français? Très bien, c'était super moment. Oh non. Un peu moins là, hein. Bon, il était comment le bac français? Chiant et long. Long, très bien, écoute, c'est exactement la réponse que je voulais. Comme ma bite. Voilà, c'est ça, Tof, t'es vraiment un dégueulasse. T'es un dégueulasse de chez dégueulasse. Bon. Pas du tout, elle est propre ma bite. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, je disais ça parce que vous vous êtes acharné aujourd'hui sur Victor Hugo. Hein. Vous avez envoyé des tweets, mais des tweets et des tweets avec Lille Berne qui dit « Ce soir, je brûle un Victor Hugo sur la place de la mairie, j'ai plus rien à perdre. » Lisa qui disait « Victor Hugo, je te retiens salopard. Il n'y a rien à dire pour un commentaire sur ta poésie où ça parle d'une tombe et d'un brin d'herbe. Adri qui dit Victor Hugo, il a quand même réussi à faire parler un brin d'herbe avec une tombe. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bulle qui dit torche-toi avec ton brin d'herbe, fils de pute de Victor Hugo. Ouais. Alors il y a Alan aussi. Pourquoi tu tapes la discute entre une tombe et un brin d'herbe, espèce de sale fils de pute Victor Hugo de Taras. Il y avait quoi aussi? Attendez, il y a Siv qui dit Victor Hugo c'est un bâtard, il peut pas parler normalement comme les autres. Il faut qu'il parle avec des messages codés. Il y avait quoi? Il y a Thomas également sur le Twitter qui dit Victor Hugo et toute sa compagnie créole de poètes de là. Ils m'ont pris la tête, un truc de ouf. Jamais content qui dit faut arrêter les gars, Victor Hugo c'est un gros tarba. Il était juste fashion avant, maintenant ta gueule fils de pute. Oh, il a rien demandé. Hein. Alors il y a quoi? Il y a Laura qui dit ils ont mis une photo de Victor Hugo. Victor Hugo il ressemblait à ça, je suis choqué. Je croyais que c'était un beau gosse. qu'est-ce qu'il y a aussi là? Victor Hugo, tu pues vraiment. Attends, c'est quoi? Tu pues vraiment enfoiré avec ton crépuscule de cul là. Il y a quoi? Joris qui dit c'est un baiser dans sa tête, un discours entre un brin d'herbe et une tombe. Il y a le pigeon qui dit c'est un fils de pute Victor Hugo. Oh là là là là. Fuck Victor Hugo pour Tineva. Quand je vous disais que vous avez été relativement violent, je veux savoir ce qui s'était passé. Hein ouais, mais ça se fait pas, c'est un vieux monsieur, ça se respecte. Ah, voilà. Surtout qu'il est mort, donc ça se respecte encore plus. Et c'est quand même c'est une légende quoi, la France, ouais. C'est la France quoi. Donc si vous avez passé le bac aujourd'hui français, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Appelez-moi, hein, je voudrais qu'on en parle. Oh, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi envoyer Mickaël et votre message au 64 900 bien sûr. Il y a Yesham qui dit ils en ont abusé sur Victor Hugo là, ils avaient qu'à réviser un peu aussi. Et Guillaume qui dit putain c'est un truc de ouf, ça va mériter le disque d'or ce nouveau tube de l'été, je veux pas rater ça, je sens qu'on va en parler pendant 3 générations. Et Mélodie qui dit ah ce message du bac là, j'en ai recraché monté. Non mais ils étaient d'une violence. Et j'en ai d'autres hein, des messages, j'en on a pris tout après-midi là, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, Lilou, toi tu nous parlais pas du bac, tu nous avais appelé il y a 2 jours toi déjà, c'est ça? Lilou! Allô, réveille-toi! Oh, t'as vu bon, allez, photos. Non mais Lilou, tu peux répondre plus vite, t'as la radio derrière toi, c'est ça? Non, elle est juste de temps. Non mais comment ça se fait que tu mets 2 secondes à répondre? Et je parle très très très très vite. Non, c'est pas le problème. Mais non, justement, tu réponds très très lentement. Bah c'est-à-dire ouais. Que je te pose une question, il y a 1 ou 2 secondes de blanc en direct du Brésil. Bon, comment s'est passé le match ce soir le match entre l'Angleterre et l'Uruguay? Eh bien, très bien, Mickaël. Oui, ça s'est super bien passé. Tu vois, tu réponds comme ça, Lilou, là. C'est dingue. Attends, on va essayer. Non, on est en décalé, alors je sais pas. Bah oui, Lilou. Oui. Ah, là, tu vois, ça va mieux, là, c'est bizarre. Bon, tu nous appelles pourquoi, Lilou, toi? Mais savoir si vous aviez reçu les photos. Quelles photos? Ah, de l'autre soir. Oui, il y a 2 jours, tu devais nous envoyer des photos, c'est vrai, mais t'as envoyé à Toff, à Polo, pardon. Oui, Polo l'a bien reçu. Il y en a 3 ou 4 en tout. 3 ou 4? Non, ah, non, il en a reçu que 2, là. T'as envoyé à qui les autres photos, Lilou? Il y a eu la première. Ouais. Ah non, il y en a eu 3, il y en a 3 en tout. On d'accord, bon, bah forcément, il y a eu la première, puis il y a eu la deuxième, puis la troisième. Ouais. Et les 2 autres. Mais t'as envoyé sur quel mail? Chez Polo ou chez Toff? Bah, le même mail que Polo. Ah bah, ouais. Renvoie alors, parce qu'on les a pas reçus. On a pas reçu la dernière, on a reçu 2, là. Ah si, c'est les 2 dont je parle. Eh bah, tu dis que t'en as envoyé 3. Eh bah, quand t'en as la première où j'étais en robe, ça fait 1. Ouais. Ça fait 3. 1 et 2, ça fait 3. Enfin, Une et 2, ça fait 3. Bah, bien sûr, oui. Évidemment. Ah, bah oui, alors on a reçu, voilà. les 17 photos, ouais, tout à fait, ouais. C'est ça, bon. C'est ça le problème de Carrefour, 1+1=3, du coup, après les gens, ils s'y retrouvent plus. Hein. Exactement, du coup, après, tu fais n'importe quoi quand t'as ton cours de maths, forcément. Bon, bah, du coup, on a reçu les photos. Ouais. Bah, écoute, Toff voulait prendre son ticket. Eh, mais j'attendais l'avis. On peut faire l'amour quand tu veux. Bah voilà, Toff peut prendre son ticket sans problème. Il s'est branlé, oui. Si, il s'est branlé. Je me suis branlé, moi j'en ai collé mon iPhone, allez regarder. Voilà, il était dans les shows de la radio tout à l'heure, là, il est resté pendant une demi-heure, là. Il a fait ça dans le bureau du sous-chef. Exactement, et tout s'est très très bien passé. Non, bah merci Lilou en tout cas pour les photos. Ah, puis, ouais, mais t'inquiète pas, j'espère que tu passeras nous voir quand on passera à Bordeaux. Il y a nouveau 2 heures avant qu'elle réponde, c'est un truc de ouf. Oui. Non, je vous écoute toutes vos conneries, j'essaie de suivre tout le monde surtout. Ah, d'accord, ok. Bon, quand on passe à Bordeaux, tu passeras nous voir. S'il y a tof, non. Oui, bah il y aura tof, ouais. Bah ouais. Je vais rester à Paris. Tu m'as barré alors. Ah ouais, mais là, non, là tu m'as barré, ouais, effectivement. Faut, ouais. Faut bien que quelqu'un nous porte nos bagages. Bah exactement. Et... Est-ce qu'à Marseille, il va aller avec le plastic bag? Non, j'ai voulu le prêter à Polo parce qu'il m'a dit, ouais, j'ai pas de sac et tout. Il m'a dit, non, non, ça va, c'est bon, je vais aller en acheter. Hein. Bah c'est pas ça que je dis. Je dis, va te faire enculer avec ton sac en plastique. Mais tu, de merde. Non, mais tu viens pas avec ton plastic bag? Bah non, j'ai ma valise là. Donc, ça oh va. Merde, déception totale. Parce que pour rappel, pour ceux qui étaient pas là, la dernière fois qu'on a pris l'avion avec. Les deux dernières fois qu'on a pris l'avion avec Tof, il a quand même été avec un sac plastique de chez Monoprix, je crois. Et il l'a déposé, mais tu sais, genre en embarquement de bagages, quoi. Ouais, tu vois, et la première fois, il l'avait dans l'avion, je lui ai foutu la honte devant une belle la fille. Honte, la honte, la j'ai honte. J'ai gueulé. Oh, le bâtard, il a un sac en plastique. Mais... La meuf, elle était morte. Je l'ai pas baisé, malheureusement, mais oui, c'est bah, la on va vie. Pas tout avoir. Et comme les auditeurs m'en ont offert, hein. Peut-être que je vais réfléchir à le prendre. Ah bah voilà. Bon bah Lilou, en tout cas merci beaucoup. Et puis on te retrouve peut-être à Bordeaux. Je te repasse Sandro au standard. Je te fais des gros bisous. Passe un bon week-end. Et puis il y a Anthony aussi avec nous de Paris. Salut Anthony. Salut Mickaël. Bon alors toi t'as passé le bac français toi? Bah malheureusement ouais. Bon bah qu'est-ce qui s'est passé avec, avec Victor Hugo? Avec ce pauvre Victor Hugo. Attends parce que j'en ai d'autres des messages là. Il y a Michan qui dit je hais ma vie là. Putain Victor Hugo. Quoi connard de Victor Hugo. Alors il y a Bleu Blanc Rouge qui dit nique ta mère Victor Hugo. Il y a Turtle qui dit quelqu'un peut dire à Victor Hugo d'aller se faire enculer et de fumer ses brins d'herbe. Et Mister W qui dit moi perso je nique Victor Hugo. Oh, voilà. Et j'en ai d'autres encore. Hein. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé là avec Victor Hugo là? Dis-moi Anthony. Bah en gros je t'explique, j'arrive et tout au bac, tranquille, je me pose, ouais. Et je me dis tout, sauf la poésie. C'est vraiment casse-couille de base et tout. Mais non, c'est ça. Parce que tu ne comprends pas, c'est beau la poésie. Mais moi qui suis un poète. Mais oui. Bah oui, c'est vrai. Un grand poète, un grand poète. Les animaux aussi, c'est des poètes. Hein. Bien sûr, mais on est tous poètes, hein, dans l'âme. Bah oui, voilà. Et donc, bah voilà, on se pose tous dans la salle, et quand on voit Victor Hugo, sur le mec, enfin, on comprend jamais ce qu'il dit en fait. En fait, c'est des métaphores, c'est pour mais ça oui. Non, c'est toi qui parles mal français parce que Victor Hugo, c'est quand même une sommité dans la littérature. Vas-y, Zivin et l'autre, il sait pas parler français, t'as vu? Non, mais à quel moment le mec il dit tiens, un brin d'herbe va parler à une tombe? Mais c'est une métaphore! C'est de la poésie! C'est beau! C'est la poésie, mais bien sûr! Oh merde, je me suis trompé de musique. Non, c'est pas beau une tombe, c'est dégueulasse. Bah oui, mais bon. Tombe, on le met dedans, cet enculé. D'ailleurs, on brûle. Je pense qu'on devrait appeler Anthony pour lui demander son avis sur la tombe. Non. Oui, ah bah oui, tiens, pour la tombe. Et on doit appeler l'Académie française. C'est vrai, ouais. Scandalisé. Non, mais il y a un moment, faut quand même pas se foutre de notre gueule, quoi. Mais alors, Anthony, du coup, là, comment ça s'est passé là? Tu penses que tu l'as bien réussi le bac français ou pas? Ah non. Ah, un drame? Genre combien à ton avis? Si j'ai 5, je suis content, tu vois. Ah bah c'est bien 5, c'est un quart des points, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, faut voir le côté positif, un quart de point, c'est pas mal. Mais bac français, quand t'as raté, il y a un rattrapage ou c'est mort de chez mort? Non, c'est mort, t'es dans le cul et. Ah oui, c'est bien. Ah bah voilà, bon, bah alors bah rendez-vous l'année prochaine, Anthony. Hein. Bah ouais, c'est ça. Hein, même heure, même endroit, on se rappelle. Hein. Avec Victor Hugo. Voilà, avec Victor Hugo. Alors si vous en voulez d'autres, j'ai Vincent qui dit dans un an, ces gens seront en âge de voter, bisous et bonne chance. Ah, quand même. Attends, c'est quoi aussi? Où est-ce qu'il est? Merde, j'ai perdu les autres. Bon, c'est pas grave, je vais en trouver d'autres des messages de Victor Hugo là, vous inquiétez pas. Pas doué, Mickaël. Enfin, c'est pas les messages de Victor Hugo, c'est les messages d'insultes envers Victor Hugo parce que vous n'avez pas répondu correctement et que vous avez été en galère. Bon bah merci en tout cas d'être passé Anthony, tu reviens quand tu veux. Ah tiens, okay, est-ce que tu vas écouter le single de Damien, Do You Want Some Red? Il est énorme. Ah, j'en remets un bout là. Attends, moi j'étais mort quand je l'ai écouté. Attends, j'en remets un bout là. The bread is fresh. Yeah, motherfucker man. Oh yeah. Alright. Exactement. Je suis pas à l'abri de le prendre avec demain à Marseille. Ah ouais. Après-demain, pardon. Et de le mettre samedi soir au Party Fun Live. Ah ouais, faut le mettre. Ce serait énorme, franchement. Oh mais grave. Oh putain, je pense qu'on peut se marrer. Bon Anthony, merci à toi d'écouter Fun et puis tu reviens quand tu veux. Hein. Salut à toi, à bientôt. Bonne partie, s'il te plaît. Bah vas-y, bien sûr, évidemment. Vas-y. Il y a une seule personne, choisis la bonne. Victor Hugo. Tardis que pas. Il va se faire tuer lui. Dédicace à tout le SNF de Paris et voilà. D'accord, ok, très bien. Ah, il y avait aussi un message qui est arrivé tout à l'heure. Qui crève cet enculé. Bien d'accord. Il est déjà parti, vous inquiétez pas. Il est déjà mort. Et vous pas entendu. On le retue, on le déterre, on le retue. Bon, bah salut Anthony, ciao à toi. Salut Miguel. A bientôt, ciao à toi. Bon, allez, restez sur Fun Radio. Bonne nouvelle pour toi, tiens, tu vas être content. Il y a une étude qui affirme qu'il faut se masturber au moins une fois par jour pour se protéger contre le cancer de la prostate. Ah, bah parfait, moi je me protège bien. Bah voilà, donc on va appeler des amis dans quelques minutes. Bien sûr, avec plaisir. Les appels malveillants vont arriver juste après le son d'Avicii avec Lay Me Down. D'ailleurs, si vous avez des numéros de téléphone de gens très sympathiques qu'on pourrait éventuellement appeler dans quelques minutes, vous envoyez le numéro de téléphone de la personne à appeler, ami ou ennemi, sur toph@funradio.fr. On fait ça après Avicii, Lay Me Down sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Avicii sur Fun, l'excellent son de Lay Me Down sur Fun Radio. 23h, 2h. Just down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et restez bien là puisqu'il y aura Saya à suivre avec Shan. Non, je vais réessayer. Chandelier. Et puis un de mes sons préférés également, le son de du mondial d'ailleurs aussi, Coldplay avec A Sky Full of Stars. Voilà, Coldplay sur Fun, je vous le cale dans quelques minutes, donc restez bien là. Les appels malveillants et ben, d'abord évidemment un message de Victor Hugo qui est arrivé, qui dit allez tous vous faire enculer bande de... allez tous vous faire foutre bande de trous du cul, signé Victor Hugo. Il a envoyé ça par SMS au 64 900. Et c'est bien de savoir que Victor Hugo a un téléphone portable et surtout qu'il nous écoute et qu'il, c'est, ben, c'est en quand plus, même une preuve de bon goût. Exactement, et qu'il nous écoute, et ça j'ai envie de dire c'est cool. Bon, on parlait de foot, je rappelle que ce soir je vous offre la totale. D'habitude c'est que le maillot ou que les chaussures ou que le ballon, là je vous mets les trois d'un coup. Wow. Ballon, chaussures de foot bien sûr, et le maillot au choix d'une des équipes qui participe ou a participé au mondial, hein. Je parle pour l'Espagne qui est déjà éliminée, mais voilà, ouais. Donc qui participe, ouais, au mondial. Il y a encore un match, c'est vrai. Donc si vous avez la bonne réponse, justement, parlons d'Espagne. Elle s'est fait éliminer, l'Espagne, hier soir, vous le savez. Mais quel était le score hier soir face au Chili? 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5? Vous envoyez Mickaël suivi de votre réponse, envoyez ça au 64 900, et si vous êtes tiré au sort, je vous offre tout simplement le pack complet offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Et attention, le pack complet vaut quand même 450 euros. Ah oui, quand non, même. Bah oui, c'est... attention. Bah oui, ah mais oui, tout. Oui. Eh, c'est les chaussures officielles, les Nike, les Puma ou les Adidas. C'est avec celles-là que les joueurs au mondial là jouent. Hein. C'est qui sont colorées ou alors les grises, grises, orange et noires là. Voilà, c'est vraiment celles-là avec lesquelles ils jouent. Le ballon de foot officiel également et le maillot officiel bien sûr. Donc si vous voulez repartir avec ce petit cadeau de 450 euros, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900. L'Espagne s'est fait déchirer, on peut le dire. Hein, oui, oui, hier. Mais quel était le score final? 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5? Mickaël et la réponse au 64 900. Bonne chance tout le monde. Bon, les appels malveillants, on va se les faire maintenant là. Ah. Eh oui. Et on récupérera notre ami Damien également. Hein. Oh. Avec bonne nouvelle également pour Damien qui m'a envoyé son nouveau single déjà. Oh. Il n'a pas perdu de temps et apparemment il est mieux que le premier. Donc c'est, nous voilà rassurés. En plus c'est en exclu quoi. Et après, il sort que lundi. Complètement en exclu total. Bon, les appels malveillants, on en parlait juste avant. Le son d'Avicii. Donc apparemment il est bon de se masturber au moins une fois par jour pour se protéger contre le cancer de la prostate. Et puis pour les femmes, c'est pour éviter certaines affections. Bah oui, réalité, donc branlons-nous. Masturbez-vous au moins une fois par jour, garçon comme fille, c'est très bien. Vous avez comme d'habitude été nombreux et nombreuses à envoyer des numéros de téléphone de gens qu'on doit appeler. Oui. Nous allons donc le faire maintenant, c'est parti, on y va, on appelle. Et pour les autres, si vous avez un numéro de téléphone qu'on doit appeler, n'hésitez pas à l'envoyer sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. Allez, au cœur d'une heure sans pub, 23h38, on appelle le premier de ce soir, j'espère qu'il sera bon. Là, il décroche pas, déjà ça commence mal. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de fois par jour vous vous masturbez. Quoi? Combien de fois vous par jour vous vous branlez? Vous êtes qui, vous? Moi, je m'appelle Toph, madame. Et dis-moi combien de fois tu te perturbes par jour? Eh ben, nique ta mère, pédé de tes mains, va. Pardon, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, vous. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Moi, j'ai dit des choses sexuelles à ma femme ou quoi? Moi, je m'appelle Toph, monsieur. Comment? Non, je dis je m'appelle Toph. C'est qui, Toph qui? Bah, Toph moi, monsieur. Toph moi, va te faire enculer, va. Mais enfin, pourquoi vous me dites ça, monsieur? Ah, il a raccroché. On va le rappeler, hein. Il a l'air un peu plus énervé que l'autre, que sa copine, non? Oui, mais ouais. Il est très cordial. Ouais, bon, on rappelle. Va te faire enculer, pédé de tes morts. C'est ça qu'il a dit, hein, je crois. On rappelle. Pendant qu'il y a le Japon face à la Grèce qui se prépare. Dans 20 minutes, on suivra ça en direct. Oui, allô monsieur. Oui. Oui, pourquoi vous vous énervez comme ça, monsieur? Parce que vous dites des choses sexuelles à ma femme. Vous vous prenez pour qui, monsieur? Mais pas du tout, je veux juste savoir combien de fois elle se masturbe par jour. Mais non, t'as gueule, enculé, t'es mort, va. Et vous, monsieur, combien de fois vous vous masturbez et par jour? Combien de fois tu te fais enculer, pédé, va? Je vois pas le rapport, monsieur. Ta gueule, va te refouler, enculé, va. Et rappelle, vas-y, viens chez moi, va te enculer, t'es mort, va. Pédé, va. Mais calmez-vous, monsieur. Et il a fait un marathon ou avant ou parce qu'il il a l'air un peu essoufflé là. Non, mais il est tellement vénère, je crois, il veut tellement péter la gueule à ouf. Il termine même pas ses phrases. Ouais. Bah viens ici, appelle-moi. Il est chaud. Ça par contre, il le dit. Hein. Bon, on le rappelle encore un coup évidemment. Allez, j'espère qu'il n'est pas trop loin de son téléphone hein, pour qu'il ne soit pas complètement essoufflé. Alors, enculé de tes morts, il décroche plus. J'ai des enfants PD, va. Oui, mais justement... J'ai des enfants PD qui dorment là, sur là. Ouais. Donc je vais pas te faire enculer. Oui. Eh, c'est quoi, je vais aller déposer plein d'hommes si t'as un nouveau privé, on va faire enquête. Et on va te retrouver, enculé, t'es mort, va. Oui. T'as compris ou quoi? Oui, par contre, vous devrez vous masturber plus souvent, monsieur, ça vous déstresserait un peu, hein, parce que là, vous êtes très stressé. Va niquer ta mère, va niquer ta mère. Eh, je te retrouve, je te bute. On est bien d'accord, enculé, va. Je te retrouve, je te bute, PD, va. Pourquoi vous dites tout ça, monsieur? Violence. Bah, ses enfants sont réveillés. Enfants sont à côté, hein. Voilà, ses enfants sont réveillés. C'est pas la peine. Il doit pas les endormir. C'est voilà. Bon, on le rappelle encore un coup là, parce que je crois qu'il a, il arrivait juste à point. Il est encore un peu saignant. Là, je pense qu'on va, on va le mettre à point. On va le mettre à point où on voit bien le cuir. On va voir. Oh, c'est allez, bon. C'est parti. J'ai des enfants PD qui dorment. Ils sont déjà homosexuels. Je sais pas. Oui. Allô. Bah, rien, monsieur. Mais c'est pas la peine de vous énerver comme ça. Mais c'est, mais t'étais qui toi? Mais t'as pas un numéro privé. Mais si t'es un bonhomme mon pote, si t'es un bonhomme toi là, oui. Et ben mets ton numéro masqué, je te jure je te retrouve dans les deux jours qui suivent moi mon pote. Mais je peux vous donner mon adresse monsieur aussi. Pour me déranger que j'ai des enfants qui vont à l'école demain et qui demandent à ma femme si elle, combien de fois elle se masturbe. Donc maintenant arrête de harceler parce que le dépôt de plainte les deux, même si t'es en privé gars, le dépôt de plainte on peut y aller. Oui bien sûr monsieur, mais y a pas de problème. Moi je veux juste savoir combien de fois vous vous masturbez par jour, mais c'est mais tout. Va te faire enculer. Mais non monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut être fou dans ta vie, toi? Combien de fois tu te fais enculer en prison, toi? Dis-moi si tu veux y aller en prison. Mais, parce que je vais déposer plainte pour harcèlement. Mais alors, laisse-moi tranquille, je te le demande gentiment. Laisse-moi tranquille, parce que je te promets que je dépose plainte, j'y vais dans la seconde. Mais on est d'accord. Bah oui, monsieur, on est d'accord. Harcèlement sexuel, mon pote, je te dépose plainte. Non, non, c'est monsieur, c'est pour appel malveillant à caractère pornographique. Mais je m'en bats les couilles, t'as pas m'appelé, toi? Bah oui, peut-être, mais c'est pour que vous ayez la bonne dénomination pour porter plainte. Ouais alors, bah, harcèlement, je m'en bats les couilles, harcèlement, non, c'est tu rappelles que j'ai des enfants en bas âge qui dorment et qui vont à l'école demain. Alors maintenant, tu me rappelles une seule fois, je te promets que je dépose taf. Voilà. Alors tu peux être n'importe qui, une association, ou ce que tu veux, je dépose taf pour harcèlement. On est bien d'accord? Oui, on oui. On fera ce que tu veux. Donc maintenant, arrête de m'appeler, merci. Ouais, allez, mais vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Ah, il a fait le bac français, lui, hein. J'ai des enfants en bas âge qui dorment. Oui. Bon, et comme lui, il y a Carlito qui envoie un message. Moi, Victor Hugot, avec un T, bien sûr, je pose mes couilles sur ses yeux, je le rends aveugle. Fais stop, je t'aime bien, bah, écoute. C'est ce compte. On fera d'autres appels malveillants, bien entendu, bien dans moins d'une heure. Hein, donc voilà. Ce compte Victor Hugo, il faut le tuer, le brûler, qu'il aille bouffer et se l'enfoncer bien profond son brin d'herbe de mes couilles et qu'il aille s'enterrer dans sa tombe qui fait chier avec son herbe. Il a dû en consommer de l'herbe, lui. Quelle violence. Oh, le pauvre Victor Hugo. Il y a Link qui dit sympa l'appel que vous venez de faire. Oui, il est en pleine forme, ouais. Message de bienvenue pour Victor Hugo, du coup. Comme il nous écoute, c'est Kevin qui voulait un message de bienvenue pour Victor. Celui-là. Je t'emmerde, gros PD, je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter, gros PD que tu es. Voilà, voilà, voilà. Et jeune Françoise qui dit enfin on rigole, mais la jeunesse en est à insulter Victor Hugo et à idolâtrer les ch'tis. L'armée des loups devra intervenir. Oui, ouais. C'est vrai que ça va pas tarder à mon avis. Hein. Et Yann qui dit après un pur match en mode Mickaël, nos limites débarre. Victor Hugo, il a dû se retourner dans sa tombe avec toutes les insultes. C'est des délinquants bord de rire. Petit message de bienvenue au passage. S'il te plaît, évidemment, avec plaisir. Ta mère, c'est une grosse salope. Voilà, et voilà. Et puis Damien, tubeur de l'année ou pas, je peux avoir un message de bienvenue également. T'as envie de te faire enculer ? Eh ben voilà, hein Damien. Eh Damien, t'es de retour là, Damien ? Ouais. Bon, Damien, donc, qui nous a appelé. Damien, qui est le canulariste. Et Damien, qui nous a appelé donc pour nous faire écouter son nouveau single. C'est ça, hein ? Ouais. Et ça veut dire quoi, single encore ? Ça veut dire seul CD. Ah oui c'est ça. Voilà, c'est un seul CD, c'est ça. Alors avant d'écouter le morceau, il y a Chris qui est avec nous, Dylan, qui voulait donner son avis en tant que grand professionnel de la chanson. Non. Salut Chris. Ouais, alors déjà single ça veut dire un seul titre déjà. Oui mais bon après vrai, le vieux producteur à deux balles. On n'est pas dans le détail. Bon alors qu'est-ce que tu voulais dire Chris, sois bienvenue. À deux balles il t'emmerde d'accord. Eh baisse d'un ton. Fais gaffe ou je te mets l'intégralité du single dans ta gueule. On t'attrape, on t'attache, on te met l'intégralité du single dans ta gueule cul, et on t'encule au passage. Ouais moi je sais servir de ta bouche comme j'étais en DVD. Oh t'es nul. Ah non là c'est raté. Là c'est raté. On peut pas valider ça. J'ai gagné. Merci. Bon, est-ce qu'on peut me couronner roi s'il vous plaît? Bon Chris. Oui, alors oui. C'est quoi ton avis toi par rapport au single de Damien? C'est un son de merde. Oh pourquoi? Qu'est-ce qui devrait modifier pour le rendre bien? D'après toi parce que les auditeurs aiment bien Damien, t'inquiète pas. Hein. Oui, les auditeurs aiment bien, mais pas moi. Ah oui, non, c'est ton avis, bien entendu, évidemment. Il y a plein de sons que j'aime pas et les auditeurs qui aiment bien. C'est inversement oui. D'ailleurs aussi, hein, bah oui. Pas de problème. Bon, non, il peut tout changer. Ah, il faut tout changer. Ah oui. Mais quoi, tu fais de la musique, toi? J'ai des potes qui en font, ouais. Ah, t'as des potes qui en font, ouais. Et ils font quoi? De la dance, du rock, du rap, du quoi? Ah non, ils font... Bah, il y en a un qui fait du rap et l'autre qui produit ses CD, qui fait... comment dire, bah, un peu de tout, quoi. Ah, il fait un peu de tout, ouais. Il fait de la variété. Il a l'usine et il presse. Ouais, c'est ça, il presse. Pas de la variété française, mais bon. Ah bah, je sais pas. Il fait du son d'aujourd'hui, quoi. Ah bah regarde, Britney Spears, par exemple, c'est de la pop. Tu vois, c'est de la pop, c'est de la variété, par exemple. Britney Spears, on s'en fout. Non mais d'accord, non mais en fait t'aimes rien. Il aime rien, lui, Chris. Bon, dites-nous si vous avez des avis d'ailleurs, hein, par rapport au single de Damien. Je vous remets un petit bout là pour ceux qui viennent tout juste d'arriver. Écoutez bien. Do you want some bread? The bread is fresh. Yeah, motherfucker, mais come on. Il y a Romain qui dit 1 milliard de vues sur YouTube pour Do you want some bread? Moi je dis. Ah, ça va venir, c'est sûr. Hein. Voilà. Et Dilek qui dit The bread is fresh, sa mère la pute. The bread is fresh. Voilà, donnez vos avis, hein, si vous aimez ou pas. Vous voulez l'écouter en intégralité, le morceau, il déchire. Oh là là. Ah oui, qu'il est attends, bon. C'est du lourd, c'est du lourd. Oui, Damien. Et en plus, tu m'as envoyé ton nouveau single, encore à nouveau là. Il paraît que la CIA veut utiliser ce morceau pour torturer ses ennemis. Ouais, peut-être, ouais. Et le nouveau single, il s'appelle comment? Il s'appelle Club. Quoi? Club Med. Club Med. Club Med. Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben, très bien. Alors, attention. C'est la seule musique qui est française. On est pas mal là. Est-ce que tu chantes encore après Damien ou pas là, plus loin dans la chanson? C'est quoi? Est-ce que tu... Ouais. The bread is fresh. J'avais dit que je mettrais un peu plus. C'est donc chose faite. Chris, merci à toi en tout cas d'avoir appelé. Tu restes au standard. Damien, tu bouges pas. Il y a Grégory qui voulait donner son avis aussi par rapport à ta chanson. On aura Julien également là de Belfort. Salut Juju. Salut Julien. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Bah tranquille, ouais. Bon Julien, tu nous appelles pourquoi toi? On va parler de quoi dans un instant avec toi? Ben en fait j'ai un pote de classe qui m'a invité chez lui pour mater un DVD et à partir dès le début du film il a fixé la barre haut. C'était un film de cul. Ah, ah, il était bien ou pas? Sérieuse, très bien. Bon. Il était fixe, c'était pas masturbé une seule fois, il est resté fixe quoi. Ah d'accord. Ça... Bon bah alors Julien, reste avec nous, on en parle dans quelques minutes. Il y aura le canular du jeudi qui arrive. Et il y aura aussi le son de Saya avec Chandelier. Et puis je vous redonne la question pour repartir avec le pack complet de 450€ spécial foot. Ce sera quelques secondes, là, juste après la pub. Là. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limite, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, 23h52 sur Fun Radio et je vous rappelle la question pour repartir avec la totale. Ça vaut 450€ le pack foot avec le ballon officiel du mondial, les chaussures officielles. Alors si vous voulez regarder, c'est... les chaussures, alors il y a des Puma, il y a des Nike et il y a des Adidas. Adidas, exactement. Ouais. Les chaussures avec lesquelles les joueurs jouent, faut le savoir. Donc c'est les officiels de cette Coupe du Monde 2014 que je vous offre. Et puis le maillot également, maillot de l'équipe de votre choix. Vous pouvez choisir n'importe quelle équipe qui participe à ce Mondial 2014. C'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. On vous en offre tous les soirs. D'habitude, vous pouvez choisir un des cadeaux. Et ce soir, je vous offre la totale, les trois d'un coup. Ça vaut 450€ et il faut répondre à la petite question que je vous ai prévue. Quel est le score final? Quel a été le score final hier soir entre le Chili et l'Espagne? Est-ce qu'il s'agissait d'un 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5 infligé à l'Espagne, qui d'ailleurs a permis à l'Espagne de faire ses petites valises et de rentrer? Quel est donc le score final? Si vous avez la réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse au 64-900, c'est ça, par SMS, ou au 63-22 depuis la Belgique. Est-ce que c'était 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5? On donne la réponse dans un peu plus de 30 minutes, ce sera vers minuit 30 en direct sur Fun Radio. Bon, on va également se faire d'autres appels malveillants tout à l'heure. On a le canular qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun également. Et puis Damien! Ouais. Bon, il y a plein d'auditeurs qui arrivent pour te donner des conseils par rapport à la chanson. D'accord. Et t'as passé ton bac, Damien, ou pas, toi? De quoi? Le bac, tu connais? Ouais, j'ai pas eu le bac. T'as pas eu le bac? Parce qu'il y a plein de messages qui sont arrivés là à propos de Victor Hugo. Tu sais, il s'est fait insulter et tout aujourd'hui. Il y a un message encore de Victor Hugo qui dit: je me lasse de toute cette haine et de cette vulgarité. Allez hop, un bédo, une pute et au lit. Eh ben écoute, bonne nuit, Victor. Vladimir Poutine qui dit: le gars qui critique Damien, qu'il fasse un truc de sa vie avant d'ouvrir sa grosse gueule. Damien, au moins, il essaye de percer. Oui, c'est vrai. Le pain, probablement, oui, c'est vrai. Alors, Michael, qu'il Alors, attendez, attendez. Qu'il aille se faire enculer ce fils de... Parce que c'est écrit tellement scandaleusement avec A, et donc qu'il aille A-Y, se faire avec un D, enculer ce fils de pute de Victor Hugo, grosse mère de son chien qui va bouffard tes morts, connard, grosse pute. C'est une enfilade. Hein. Qu'il va bouffard sa tombe avec de l'herbe sans hache, t'as de la merde dans les yeux, prends avec un T la bite de Tof dans ta bouche, connard. Ah, wow. Connard, il l'a bien écrit. Ah oui, c'est le seul d'ailleurs. Ça, c'est pas mal, c'est bien ça. Bon, salut à tous. Je kifferai une meuf qui bosse dans un magasin. Eh ben, dis-nous où et puis appelle-nous si tu veux, on essaiera de l'appeler sans problème. Bon, alors. Damien. Ouais. Bon, il y a Corentin qui est avec nous là de Bretagne. Salut Corentin. Salut Gaël. Comment tu vas? Ça va. Bon bah tant mieux. Alors Corentin, tu voulais donner un avis par rapport à la chanson de Damien, toi? Ouais. Bon, je rappelle le début de la chanson. Hello. So good. So good, exactement. Alors Corentin, qu'est-ce que t'en penses de la chanson, toi? Bah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. T'aimes bien. Et par contre, faut améliorer un peu l'accent, tu vois. Ah, c'est l'accent que toi tu critiques. Ouais, mais il a pas eu le bac, hein, c'est pour ça, il a pas bien révisé. Ouais, il y a peut-être un peu l'accent. Attends, on va écouter un peu plus loin. Un peu plus loin encore. Bread is flesh. Attends, je remets. Voilà. The bread is flesh. On rigole pas, Corentin, qu'est-ce que ça veut dire? The bread is flesh. Voilà. Parce qu'il y a un effet là, il y a le voice coder dessus. Yeah, ouais, exact. Là, il tape sur une poubelle. Dis-moi Damien. Ouais. On sent une recherche quand même dans les paroles. D'où vient ce titre? C'est par rapport à ton enfance? C'est quoi? C'est quoi la musique? Non, le titre de la chanson et les paroles, tout ça, parce qu'il y a quand même un gros travail d'écriture. Bah, c'est en fait, je m'enregistre en train de dire des trucs en anglais. Ouais. Et après je les remixe. Ah d'accord, ok, très bien. Parce que t'as pas d'un. C'est quoi ton groupe là? C'est quoi tes influences? J'ai pas de groupe. Hein. T'as pas de groupe. Non mais. Le groupe qui. Qu'est-ce qui t'a influencé? Qu'est-ce que t'aimes bien comme musique là? Tu t'es un peu inspiré d'un artiste déjà? Non, je préfère inventer. Tu préfères inventer, mais t'as bien raison. Bon, attends, il y a Grégory également qui est avec nous, là, de Coutances. Salut Grégory. C'est nickel. Ça va? Ouais. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as un avis par rapport à la chanson de Damien? Oh, mais sérieux, son son. Attends, c'est j'entends mal parce que t'as le kit main libre ou le haut-parleur? Non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Bah, juste alors, un téléphone pourri. Non, parle peut-être avec le téléphone un peu moins près de ton téléphone, de ta bouche, peut-être, je sais pas. Ouais, bah attends. Voilà. Vas-y, essaye pour voir. Tu disais donc? Ton son, c'est de la merde. Sérieux, ah, t'aimes pas, toi? Ah non, bon, qu'il abandonne. Ah bah on sait pas, attends, il y a le nouveau single qui s'appelle Club Med que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Donc restez bien, attends, on sait jamais. Donc toi t'aimes pas Grégory, qu'est-ce que t'aimes pas? Rien, il y a un truc que t'aimes pas, un truc que t'aimes bien ou rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. Bon alors attends, il y a Poutine qui est avec nous également là, qui appelle d'Algérie. Salut Poutine. Ouais, ça va nickel. Ça va et toi? Ouais, ça va. Remis de la défaite de l'Algérie? Ouais, ça va, normal. Hein. Bon, ils jouent quand la prochaine fois là? Contre qui? Je sais plus là. Et... L'Algérie. Contre la Corée. Contre la Corée, ouais, du Sud, exactement. D'accord, ouais. Ok, très bien. Bon, bah, bonne chance à l'Algérie alors, on verra bien. Bon, alors, ouais. Poutine, est-ce que t'aimes bien ou pas toi le son de Damien là? Do you want some bread? Bah, si, j'aime bien, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il y a certains auditeurs qui arrêtent pas de critiquer. Ah, bah oui, ça. Ils font rien de leur vie. Eh oui, oui, mais après, il y en a peut-être qui critiquent et qui font quelque chose de leur vie, tu peux pas savoir. Surtout que je suis schizophrène par rapport à des films porno. Oui, il y en a aussi, effectivement, oui. Bon, alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter? Alors déjà, je vais écouter un petit... Écoutez, on va aller un peu plus loin dans Do You Want Some Bread. Et puis je vous ferai écouter en exclu mondial le nouveau single qui s'appelle Club Med. Ouais, bon, là, je pense que c'est bon, on a fait le tour de Do You Want Some Bread. Juste le début de Club Med. C'est le Club Med. Voilà, j'en dis pas plus. Ce sera le teasing. Restez bien là, je vous le fais découvrir dans quelques minutes. Avec le nez bouché. C'est un effet ou c'est naturel, Damien? C'est le Club Med. C'est un peu le modifié. Ah, c'est de la modification, putain, elle est pas mal. Hein. Attention. C'est le Club Med. Club Med. On est Jean-Michel Jarre. Attendez, là, c'est ça. Club Med avec la cymbale derrière. c'est leur vie. C'est Avicii. Club Med. J'en veux pas plus. On découvrira tout le reste oh, tout à putain. L'heure. Chaque show en son temps. Oh, Damien, reste avec nous. Corentin, Grégory et Poutine, merci à vous d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Ouais, bien sûr, pas de problème. Vous repartez tous avec un pack fun. Là, vous restez au standard. Je vous repasse en gros. Je vais faire une dédicace, Mickaël. Vas-y, vas-y, Poutine. C'est une dédicace. Ben, parfait. Parfait. J'ai oublié son nom. T'as oublié son nom, bah, c'est moi, parfait, voilà. Bien vu Poutine, là. C'est pas mal ça, c'est une putain de dédicace. Merci. Probablement la meilleure de l'année. Bon bah salut Poutine, Corentin, tu voulais dire un truc? Ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure j'ai envoyé un truc à Toff par son email. Ouais. C'est le Club Med. Pas tout à fait ça, c'était parce que je réfléchissais ça à des nouveaux jeux sur l'émission. Et j'en avais trouvé un, du coup c'est pour savoir s'il avait eu. Ah je sais pas. Oui, j'ai vu, on va y réfléchir. Ah bah très bien, bah, merci en tout cas. Ouais, on va y penser pour la rentrée. Bah moi je l'ai pas vu mais Toff me dira après, on va voir ça en tout cas. Merci beaucoup Corentin. Ok d'accord. Salut, ciao à toi hein, Corentin. Allez bah ça y est c'est parti la cinquième seconde de jeu là pour Japon-Grèce. C'est bah évidemment 0-0 et on vous tient au courant. Y'a que le maître qui dit il me fait quoi là le Damien. Il m'a pas demandé s'il pouvait utiliser mon nom, le droit d'auteur obligé évidemment. C'est le Club Med. Eh oui, Benjamin qui dit je vais m'étouffer dans mes rires, trop des barres ce mec. Y'a IHM qui dit Damien je peux avoir l'autographe s'il te plaît. Iodore, non c'est Thibaut qui dit Mickaël, bread is fucking fresh. Et alors HM aussi IHM, j'ai le bac de science demain mais je peux pas en de vous écouter. Oh t'inquiète, ça va aller, tranquille. Mais oui, ça va aller. En sortant, t'insulteras 2-3 mecs et puis ça ira. Ben voilà, c'est ça. Bon, Alexandre qui est avec nous là, d'Aveyron. Salut Alexandre. Salut Mickaël. T'es en forme? Ouais, la forme, et toi? Bon, tant mieux. Bah oui, très bien. Depuis qu'on a écouté le nouveau single de Damien. C'est le Club Med. Ah bah ouais, il est parfait. Et je suis impatient d'écouter le refrain. Attention, je suis impatient. Voilà, je peux pas dire autre chose, je suis impatient. Bon, on parlait de Victor Hugo, du bac français là, puisque vous avez été très violent quand même, hein, très virulent avec Victor Hugo, le pauvre. Et donc, est-ce que t'as passé le bac français toi du coup aujourd'hui ou pas? Alors pas aujourd'hui, je l'ai passé l'année dernière. Ah t'es en retard toi. Non, j'ai eu par curiosité le poème. Franchement je comprends pas, il était facile. Tu vas te faire insulter toi. Non, mais je vais expliquer. Un brin d'herbe et une tombe. Un brin d'herbe pour vous, ça évoque quoi? C'est la vie. Une grosse bite. Ouais, non, après, il y a un brin d'herbe, il y en a beaucoup, c'est du shit. C'est une jeune pousse, c'est une future plante, donc c'est la vie. À côté d'une tombe, la tombe, c'est la mort. Ouais. Et donc, alors à partir de là, c'est un dialogue entre, c'est une métaphore, entre la vie et la mort. Tout à fait. Oui, ça on avait compris. Enfin, mais à part les. Mais après, il y en a plein qui n'ont pas compris. C'est d'analyse. Oui. Mais après, mais non. Est-ce qu'il y en a qui ont kiffé aussi cette question? Parce que là, on a lu que les messages négatifs, mais après, il y en a peut-être qui ont kiffé comme toi. Hein. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à nous dire. Hein. Et Mickaël est votre message au 64-900. Ou alors, vous nous appelez 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Pour résumer le truc. Hein. De quoi? Il y a une phrase qui pourrait résumer le poème. Dis-moi. The bread is fresh. The bread is fresh, exactement. Je pense que tout est dit, oui. Hello. So good. So good. The bread is fresh. C'est le Club Med. Eh ouais, le nouveau single, voilà. Bon, eh ben écoute, bah merci hein, Alexandre d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Est-ce que je peux faire une dédicace? Eh bien, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Bah, je fais une dédicace à Victoria qui m'écoute et à la Guild Sacrestan. C'est Victor Hugo. Oui, à Victor Hugo, ouais. Eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Merci, bonne soirée. Ciao Alex. Bon bah voilà, bah appelez-nous hein, si vous voulez dire avec nous. Il y a le canular qui va arriver dans quelques minutes. Canular bien entendu, canular du jeudi. On va avec qui on va faire le canular d'ailleurs, tiens que je regarde. Ce sera avec Céline. Voilà, donc si vous voulez participer également à l'émission, vous êtes bien sûr les bienvenus comme d'habitude. Vous balancez votre message maintenant. Et Mickaël est la réponse. Et votre message au 64-900. Et Romain qui dit quel talent le canulariste là et DJ, quel avenir professionnel. Il y a Follow Midget qui dit moi aussi j'ai hâte d'écouter le refrain. Limite j'ai failli me pisser dessus. Et Dimitri mort de rire, on dirait un bourras qui essaie de chanter en anglais avec sa musique. Oh, vous êtes violent quand même. Il essaye de faire de la musique, c'est bien. Il faut l'encourager. Bon, on va s'écouter Saya avec Chandelier, le canular avec Céline juste après, et puis on aura les teubés de la télé comme tous les soirs sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit et c'est parti aussi pour la nuit sans pub. J'avais oublié de le préciser. On fait péter ça maintenant sur Fun Radio. Le temps d'écouter Saya maintenant, Chandelier. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël, nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio avec les teubés de la télé qui arrivent dans quelques secondes. Et Valou qui dit, je suis à la traîne là, mais c'est quoi le délire avec Victor Hugo? Ben non, il y a eu le bac de français aujourd'hui et du coup, ils ont tous insulté Victor Hugo d'enculé, de fils de pute, ouais. de mange tes morts, ouais. etc. Le pauvre. Voilà, c'est ça, pauvre Victor Hugo. Dilek également là. Mickaël, perso, moi j'adore la littérature française, la preuve, je me réoriente en première littéraire, je vais bouffer oh là là, du Huggy Wesh. Et Axel aussi qui dit mort de rire, c'est moi Club Med, je me pisse, on dirait un vieux de 130 ans, et Toff qui répète. Et Elodie and Love qui dit, ma mère dit que Toff a une gueule de con, elle a pas tort. Ah oui, il a pas tort, les mamans ont toujours raison, c'est tout connu. Ah, évidemment, évidemment. Bon, allez, on se fait les teubés de la télé là. Est-ce que vous pensez qu'il y a que dans les Anges ou dans les Marseillais par exemple que ça s'embrouille? Bah, en grande partie, ouais. Ouais, ouais. Et ben non, il y a sur LCP également, la chaîne parlementaire. Excusez-moi, c'était notre ami Damien. Certains articles ont pourtant été adoptés cet après-midi, comme les articles 9, 10 et 11, qui donnent un statut juridique aux beaux-parents. L'article 10 reconnaît l'autorité du beau-parent sur l'enfant. Oh putain, vos gueules, sérieux. Ah, on dirait l'appel malveillant, c'est marrant. Bon, vous allez voir que c'est important également de bien réviser le bac français, on en parlait. Alors, bande dessinée. Non, Astérix un peu. Après singulier pluriel, c'est faudrait conjuguer. Non. Hein? Singulier. Non, c'est pas des conjugaisons. Ah, non. Avoir. Ah tu dis singulier. Une personne ou des plus des personnes. Ah, ouais, une ouais. Personne c'est singulier. Genre des chacals, ça prend un S quoi. Comme ça. Voilà. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Bon, on n'est pas dans le détail, hein, voilà. Des chacals. Et des chacals, exactement. Des chacals, bon. Oui. Et puis après 60 ans de mariage, mamie nous dit la vérité sur l'amour. Et la vraie star d'aujourd'hui, c'est Elisabeth qu'on peut applaudir. Non. 60 ans de mariage. Noce de diamant. Oui. C'est beau ça. Ah, oui. Et on est toujours aussi amoureux après 60 ans. Moitié, hein. Oh. Ouais. Et déjà, c'est pas mal, moitié. Après ouais, c'est pas mal. Hein. Franchement, arriver à moitié, c'est quand même pas mal. Ouais. Bon, Dimitri qui dit, tu peux donner un coup de casserole sur la tête de Toff, s'il te plaît, pour moi. Bah, j'ai pas de casserole, mais sur une pelle. Hein. Voilà, j'ai pas non plus, on fait pas une émission de cuisine. Hein. Et Arthur qui dit, ça fait longtemps que je vous écoute, mais toujours pas eu de message de bienvenue. J'en veux un bien hardcore. Tu veux un bien hardcore? Alors, écoute, j'ai toujours celui-là qui est pas mal, hein. Qui fait toujours bon effet. Tu viens, je te sperme moi au visage. Voilà. Je t'emmerde, gros PD. Je vais te mettre une bombe dans le cul. Je vais te faire sauter, gros PD que tu es. Voilà, très sympathique, comme vous avez pu le remarquer. Bon, il est 10:30 sur Fun Radio. L'heure de faire le canular du jeudi. Et oui, et le canular du jeudi, c'est avec Céline qui est avec salut, nous. Salut ça Céline. Ça va et toi? Bon, écoute, ça va plutôt bien. Tranquille. Je rappelle qu'il y a toujours les maillots de foot qui sont à gagner. Tu suis un peu le foot ou pas, toi, dis-moi, ouais, Céline? Ouais. Tout à fait. T'es pour quelle équipe? Ah bah moi pour la France, parce que c'est normal. Bon allez Marie, Céline pardon, on va appeler ta copine qui s'appelle Marie, je veux dans le standard. Oui voilà. Et on va lui faire croire quoi? Alors on va lui faire croire que donc que je sors avec son père. Donc comment ça, quel âge il a son père? Son père il a la quarantaine je crois, il a 42 je crois. 42 d'accord, bah presque, ouais, presque comme Toff. Oui c'est ça, pareil. Voilà, presque pareil. Comme Toff. Très bien. Et il est célibataire lui ou il est encore marié avec sa... Non, il est célibataire, il est divorcé. Donc... Ah oui, c'est bien ça, c'est pas mal. Et elle va le croire, tu crois? Enfin, elle est assez niais que pour tout croire. Ah oui, c'est sûr qu'elle va me croire. elle sait que j'aime les hommes plus mûrs que moi, donc... Céline, combien mesure elle? Mesure 17 ans, Toff. Ouais, mais 17... Ouais, bah 17, 17, ouais, mais 17. Elle aime les hommes mûrs, elle aime les hommes mûrs. Ouais, mais elle aime pas les vieux cadavres non plus, voilà, Toff. Alors combien si t'aimes les hommes mûrs, tu te fous un portugais? C'est drôle ça. Pauvre con va. Tiens, voilà, c'est tout ce que tu mérites. Et donc combien mesures-tu? Moi je mesure 1m67. Combien pèses-tu? 61. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Alors là je fais du 95D. Ah oui, D comme Denise alors. Voilà c'est ça. Ah ouais. Et en plus à 17 ans c'est bien ferme. Ouais. Là, voilà. c'est ça tombe pas, c'est sûr. Ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Mais il faut un peu patienter, Toff. Hein. T'as ton anniversaire quand? T'as 18 ans quand toi? 1er septembre. Oh bon, ça va. Toff met une option. Ouais. Bah, je suis très très mûr. Ouais, attends, je te mets aussi la musique, y'a pas de raison. Hein. Bonne. Voilà. Bonne. Voilà, y'a pas de raison. raison, il y a pas de raison. Voilà. Bon, allez hop, on va donc se faire maintenant le petit canular, c'est parti. Voilà. Comment il s'appelle son père au fait ? Frédéric. Bon, alors le concept c'est qu'on va l'appeler, tu veux dire tu sors avec ton père, avec son père, etc., etc. Et puis moi je serai derrière le copain Michel, voilà. À la limite je serai un ex à toi. Sans grand mieux, tiens, le mec il en a plus rien à foutre. Un ex. On peut faire comme ça. Voilà, je serai un ex à toi. Et puis en même temps, avec un 95D, je préfère être un ex. Oui. Ça veut dire que j'ai déjà testé. Ouais. Et donc, ouais, c'est mieux. Voilà, et je vais lui dire, oh, c'est pas grave, ça va, y a rien. Quel est ton problème, blablabla, blablabla. Enfin, je vais essayer de la rendre un peu dingue, d'accord ? D'accord. Bon, bah c'est parfait, bon, on y va. Elle est où là par rapport à toi ? Là, elle est à Hérouville, elle est à côté, mais elle est chez son copain, donc. Ah oui, bah c'est parfait. Allez, on y va, c'est parti, on l'appelle. Bonne chance, Céline, sois bonne, hein, si jamais tu es bonne. Oui. Il y a, qu'est-ce qu'on peut offrir ? Alors, il y a les casques focales qu'on peut offrir, les Spirit One nouvelle génération, ou alors du foot, si t'aimes bien le foot, comme tu m'as dit que tu suis un petit peu, si tu veux un maillot, un ballon ou les chaussures pour ton copain, ou même pour toi. On a vu que chez les filles, ça pouvait être très sexy, et avec un 95D, je peux te dire que le chiffre sera mis en avant, hein. De ballon. Faut faire les soutiens-gorge alors maintenant. Ah, c'est une très bonne idée, tiens. Ouais. Ah, c'est, je prends note. Bon, allez, on y va, c'est parti, Céline. On l'appelle, je te souhaite bonne chance. Nous, on est derrière. Allô ? Oui, Marie ? Allez, oui. Ça va, ma grosse ? Ouais, ça va. J'aime bien. Ouais, bah alors, quoi de beau ? Bah rien. Ouais, t'es toujours chez Manu ? Ouais. Ouais, donc bah en fait moi je t'appelais, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Tu me fais peur là ? Non mais en fait j'ai peur de te le dire. Bah me dis pas alors dans ces cas-là. Si, non mais tu vois en fait ça fait un bout de temps, t'as remarqué, je suis proche de ton père, on rigole, voilà. Ouais. Je le sens pas là, tu me fais peur. Ça fait un mois que je suis avec ton père en fait. T'es sérieuse là ? Tu te fous ma gueule ? Ouais. Bah non, c'est sérieux. Vraiment, tu fais quoi toi à faire ça là ? Non mais vas-y, t'énerve pas, Marie, c'est rien. T'énerve pas de quoi ? T'es sérieuse ? Tu dis que tu te tapes mon père ? T'es sérieuse ou quoi ? Non mais le prends pas mal. Mais tu te fous de ma gueule. Mais oui, mais enfin tu sais, vraiment, ton père, tu fais quoi là ? Non mais ton père, Marie, vas-y, enfin, t'as vu comment qu'il est aussi, c'est pas de ma faute, t'as vu comment qu'il est avec moi ? Bah le prends pas mal, vas-y, mais prends pas mal. Tu te tapes la honte à faire ça, tu fais quoi là ? Tu te dis être ma meilleure amie, tu couches avec mon père, tu fais quoi là ? Elle le prend comment, Céline ? Elle, non, c'est qui parle derrière toi là ? Non mais c'est ça, c'est mon ex et tu connais pas. Vas-y. Ouais bah qui fait à 18 fermer sa gueule, je vais lui en mettre une. Non Marie, vas-y, t'énerve pas, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle dit ? Non elle mais lui fermer sa gueule, je te jure, lui fermer sa gueule, ça déjà d'où tu me dis que tu couches avec mon père, mais t'es sérieuse ou quoi ? Mais vas-y Marie, mais Marie, c'est pas mal, sérieux. Céline ? Oui ? Tu peux prendre un truc dans le frigo ? Ouais, vas-y. Bon, je regarde. C'est qui là ? Tu veux un truc à boire ou pas ? Mais non, c'est mon ex. Hé ! Tu veux un truc à boire ou pas ? Ouais, vas-y, ramène, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, Oasis. Oasis ? Ok. Ouais, hey, mais t'es sérieux ? Hey, tu veux des glaçons ou pas ? Ouais, fermez ta gueule, okay. La tête de pute, je vais niquer la tête de la merde, je vais fermer sa gueule. Vas-y, Marie, t'énerve pas, ça sert à rien de faire. Tu mets dans un verre ou dans la galette ? C'est une galette. Non, mais vas-y, Marie, t'énerve pas, sérieusement, c'est rien. T'as pas des chips qui traînent ? T'es sérieux, ça fait 6 ans qu'on se connaît et toi tu te dis que tu te tapes mon père, tu fais quoi toi ? Tu veux que je te nique, c'est sûr ? Mais non, mais Marie, t'énerve pas, vas-y, c'est rien, relax. Et la tête de merde, je te croise même pas, je te jure, je te tue, tu fais quoi toi ? Mais Marie, tiens, c'est rien. Tiens, ton verre. Merci, aïe ! Oh, que t'es conne ! Oh, putain. Oh là là ! Bah, il y en a partout là. Bah, vas-y, tu ramasses. Hein. Bah, non, et t'es sérieux, tu tapes mon père. T'es sérieux ? Oh, tu tapes mon père et t'es avec un mec là ? Bon, écoute, prends l'aspirateur. Attends, je prends le téléphone 2 secondes, va chercher l'aspirateur. Ouais, vas-y, je vais chercher, j'arrive. Vas-y. Non, mais passe-moi le. Allô ? Je vais pas lui parler. Allô ? Salut, c'est Michel. Ouais, bah, c'est bien que t'es Michel ou pas. Chercher l'aspirateur. Bah, chercher l'aspirateur. Bah c'est cool, je m'en bats les couilles. Bah non, mais c'est parce qu'il y a du verre partout, alors vaudrait pas non plus que tu vois qu'on se coupe quoi, voilà. Ah ouais, bah c'est con pour vous, j'en ai rien à foutre. Ouais, non mais c'est rien. Bah dis donc, elle m'a expliqué l'histoire et c'est moi qui lui ai dit de te dire, parce que je me suis dit que ça se faisait pas quoi, tu vois. Bah ça se fait pas, vas-y mon frère, ça tape mon père. Ouais, c'est bah mon père, c'est... Non mais il y a pas mort d'homme, c'est pas grave, en plus elle m'a dit qu'il était célibataire. Attends, redémarre-le un peu, il en reste encore un petit peu là. Voilà. Voilà, ouais, c'est mieux, ouais. Bon, donc, ouais, c'est pas grave. En plus, il est célibataire, donc c'est bien, il se tape une petite jeune et tout. Bah, vas-y, si, se tape la honte, mon père, il a 40 piges. Et alors, c'est pas grave ? Bah, vas-y, si, se tape la honte, il fait quoi ? Et puis toi, t'es qui ? Je te connais même pas, tu me parles. Mais moi, je suis son ex. Enfin, son ex, on est sortis ensemble une nuit, mais voilà. Ouais, c'est en fait, c'est ma meilleure amie, c'est une pute, en fait. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'elle prend du bon temps que d'office, c'est une pute. Bah, si, c'est une pute. C'est toi qui es coincé du cul, c'est tout. Moi, coincé du cul, ok, d'accord. Ah bah, je confirme. T'avais, je parie que t'es avec un mec depuis 1000 ans. C'est l'amour de ta life. Tu vas plus le virer. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, c'est ça. Vas-y, mon mec, ça fait un mois que je suis avec et tu parles de mon mec, toi. C'est un an, c'est ça? Non, un mois. Un mois? Bah, ça va, tu vois que t'es pas coincé du cul, là. T'en avais combien avant? Je parie que tu t'es fait défourailler par plein de mecs avant, non? Non, mais tu crois quoi, toi? Ah, tu t'as crois vu que je suis une pute, tu veux? Non, non, mais je suis sûr. Attends, mais t'es une fille. Attends, c'est pareil. Attends, et, oh, Céline, je l'ai déjà vu et tout le bordel là. C'est ouais. Bon. Tiens, bah écoute, je vais me refaire un verre. Céline, je te repasse. Ouais, vas-y, merci. Ouais, mais c'est quoi ton. Tu sais, ton ex, je vais niquer. Il fait quoi les deux? Il dit que je suis coincé du cul là. Toi, tu dis être ma meilleure amie, tu tapes mon père. Mais je me tape ton père, mais ton père, t'as vu comment qu'il est, sérieusement? Il m'a fait que tu me dises que t'es enceinte de mon daron, s'il te plaît. Céline, elle se rend compte de la chance qu'elle a, ou moi, l'avantage, c'est comme t'es sa meilleure amie, elle sait que tu te tapes pas un connard puisque c'est son père. Bah ouais, mais là, le problème, c'est qu'elle est en train de me dire, on fait quoi si t'es enceinte? Malheureusement, pour elle, je suis enceinte de son père. Quoi? Oui, je suis enceinte de ton père, oui. Ça, c'est enceinte de mon père que je le sais. Non, mais t'es sérieuse ou quoi? Bah, c'est pas grave, t'auras un petit frère, Marie, ou une petite sœur. Mais j'en ai rien à foutre d'avoir une petite sœur ou un petit frère, je veux pas que le gamin il te ressemble, s'il te ressemble, ça va être quoi le gamin? Si c'est une fille, elle aura des gros sens, c'est un avantage. Ah ouais, bah la gueule de la meuf, si c'est une pute comme toi, laisse tomber, hein. Oh, Marie, t'énerve pas, ça, parce que je me fais ton père qu'il faut s'énerver comme ça, hein. Bah, t'es bête. Tu dirais quoi si je me tape ton père? Ah, mon père, il est trop moche, tu pourrais pas. Mais j'en ai rien à foutre. Ça, ah, bah, pas. Si elle aime bien les moches, après, c'est pas très grave, hein. Non, ça va, elle est pas. Oh, quoique. Quoique. Par rapport à toi, est-ce qu'elle a la même paire d'avantages? Eh ben non, elle est plus grosse, mais elle est plus fine. Quoi, c'est encore plus gros chez elle? Non. non, elle est plus grande, elle est plus fine, Marie. Hein. Ah, elle est plus grande, elle est plus fine. Ah bon, merde, tant pis. Bon, bah c'est pas grave. Ah non, tu la feras pas celle-là. Ouais, non, bah de toute façon, en même temps, elle est déjà maquée. Hein. Moi, je tape pas dans les bœufs maquées. Ouais, hein. c'est vrai. Bah voilà. Bah, bon, le seul truc. Hey, le seul truc qui est le plus emmerdant, Marie, c'est quand ça va brailler, quoi. Mmh. Bah ouais. En plus, je crie fort, hein. De quoi? Je crie fort. Je vois pas le rapport, je parlais du bébé. Ah mince. Tu vois, c'est quand ça va brailler que c'est emmerdant, quoi. Et il va falloir se lever, etc. Ça va être une angoisse. Ah ouais, je me lèverai même pas. Le gamin, ça sera un bâtard. Tu vas l'appeler comment? De quoi? Je vais même pas l'appeler. Ça sera même pas ma belle-mère. Belle-maman, maman, mamie, mémé. Je vais l'appeler grosse pute. C'est tout, y a rien à voir. Mais Marie, t'énerve pas, ça sert à rien. Mais n'énerve pas de quoi, tu vas faire ta gueule. Je suis pas une pute parce que je me tape au père, c'est tout à fait normal. Regarde Michel. Non, à la limite, tu pourrais éventuellement la traiter de grosse pute si elle trompait ton père, mais là, en l'occurrence. Ouais, voilà. Attends, Marie. Oui. Attends, je vais te passer un pote, il voulait juste voir à quoi tu ressembles. Ouais. Allô, Marie? Oui. Ouais, combien tu mesures, Marie? 1m72. Combien tu pèses, Marie? Je sais pas. Bah, à peu près, on n'est pas à 5 kilos. 60. D'accord, alors quel est ton tour de poitrine? J'en sais rien, ça te regarde pas. Bah, genre, t'achètes pas de soutien-gorge? Bah, si, heureusement. Bon, bah, et tu prends quelle taille? Allô? Bah, j'en sais rien. Bah, Céline, elle prend quelle taille? Ah, je sais pas, elle doit mettre du A, B, C, D, elle doit mettre du C, du D, je pense. Ah ouais, ouais, tu disais qu'elle était plus fine. Non, je crois qu'elle met, elle met du 95B, Marie, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui, B comme... comme bien. Ouais, bas trop mal. Bien. Comme bas trop mal. Oui, c'est peut-être aussi, je sais plus. Hein. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté, Marie? 36. Ouais, non, elle est pas mal. Hein. Attends, tu réponds toutes les questions comme ça d'un inconnu, c'est pas mal. Hein, ouais, je sais. Elle est pas mal, moi je la défouraille. Hein. Oui, merci, ça ira. Avec plaisir. C'est gentil, ouais. C'est gentil. Bon, Marie. Oui. Bon, je suppose que tu sais où tu es. Non. Mais si. Non. Mais si. J'ai reconnu une voix, mais c'est tout. Ah, j'ai reconnu une voix, c'est déjà pas mal. Et oh, quelle est cette voix? Merde. Voilà, hein, mais. Merde. Mais. Fun. Ah, voilà, il me semblait bien, tu vois. Ouais, elle a déjà prouvé. Le hasard comme par hasard. Bon, cela dit, de quoi? Elle est bien, elle connaît ma radio, donc c'est normal. Bah oui, elle connaît la radio, évidemment qu'elle connaît la radio. Oui, évidemment. Bon, du coup, bon, en revanche, c'est vrai, hein, pour le daron. Hein. Ouais, faudra faire avec. Voilà, elle savait pas comment te le dire, on s'est dit qu'on allait le faire en version canular pour voir comment t'allais le prendre, visiblement pas très bien. Ah bah non, normal, attends. Bah ouais, comme elle préfère les mecs plus âgés, apparemment. C'est quoi son record d'homme plus âgé? Ah, Céline, c'est 28. Oh, ça va! Oh, ça va, 28. Non, mais. Hey. Bah non, ça c'est ce qu'elle croit, ça. Et pourquoi, c'est quoi, toi, ton record? 35. Ah ouais, donc tu tapes dans le dans le vieillard. Hein. Tu vois. Oui, je suis même plus attendez, jeune. Attendez, je vais même lui dire c'est qui. C'est qui? J'ai peur. Marie, c'est Faxo. Non, t'es sérieuse. C'est qui Faxo? Bah oui. C'est un mec qui passe des fax toute la journée. Ah, c'est ça. C'est quoi? C'est un patron d'une boîte? C'est un ancien. Ouais, bah non, il est patron d'une boîte, mais il est pas ici. Ah ouais, d'accord, ok, donc c'est bien pour avoir les entrées gratos, quoi, t'as tout compris, c'est bien. c'est pas mal. Ouais, sucer pour boire gratuit. Hein. Bah voilà, bah bien sûr, évidemment. Bon, Céline, tu voulais un maillot de foot, toi, tu veux quel maillot alors? Benzema, vas-y, on prend. Ah non, mais Benzema. Tu veux l'équipe de France? Ah ouais, bah ouais. D'accord, bah c'est ce que je te demandais. Après, on va essayer de le floquer, je te promets pas, mais si jamais on peut le floquer, je te mets Benzema. Et puis, on va attendre, hein, on va attendre que la Coupe du Monde termine, puisque des fois que la France se qualifie, des fois que la France gagne, il faudra envoyer le maillot avec les deux étoiles et pas une seule, évidemment. Ce serait con d'avoir un maillot périmé, évidemment. Bon, bah ça roule. Bah gros bisous, Céline, gros bisous, Marie, à bientôt, hein. Ouais, gros bisous, petite dédicace à Fun et à Marie, hein. Ah bah oui, bah très bien, bah oui, évidemment. Message passé. Salut les filles. Ouais, salut. Bon, et si vous voulez faire un petit canular également là, n'hésitez pas à vous nous appeler 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. I'm Crazy qui dit trop fort le canular là, je kiffe les injures entre meilleurs potes, grave quand même. Follow Midge qui dit comment elle se fout la gueule sa meilleure amie. Ness aussi, trop bon le canular. Benjamin également, très bon le canular à l'instant là. Merci Benji. Et Laura aussi, trop rire ce canular, il y a du cassage de verre dans l'air. Oui, bah elle était pas un peu maladroite quoi. Follow Midge aussi, la meuf va perdre sa tête, péter de rire, c'est grave drôle. Et Nadia aussi, à mon avis, elle veut vraiment se serrer le père de la copine. Ah ouais, c'est vrai. Dilek aussi. Putain, mes parents sont en chaleur, c'est pas possible. Ah oui, et bah bon courage, Dilek. C'est vrai que c'est dur entendre ses parents en train de forniquer. Ah, pas facile. Il faut bien qu'il fasse le détartrage aussi. Oui, hein. Oui, mais pas facile quand même. Bon, je vous répète encore une fois la question. Là, on donne la réponse dans quelques minutes pour gagner le pack total avec les chaussures de foot officielles du mondial, avec le ballon officiel, avec le maillot de l'équipe de votre choix. Quel était le score hier entre le Chili et l'Espagne? 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5. Si vous avez la réponse, vous envoyez MIKL espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Bonne chance tout le monde. Ça vaut 450€ le pack que je vous offre. Et je vous l'offre dans 5-10 minutes. Donc, bonne chance, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. On vous appelle en live dans quelques instants. Je vous appellerai en direct. Si vous décrochez et que vous donnez la bonne réponse, bah c'est gagné. Pas plus compliqué que ça. Le pack qui vaut quand même 450€. Allez hop, on écoute Gilo maintenant. C'est First Love sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Gilo sur Fun, c'était First Love. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est évidemment toujours en direct avec les appels malveillants qui vont arriver dans quelques minutes. Théo qui dit salut, si tu pouvais mettre un coup de pelle à Toff, bien sûr. Avec plaisir. Et alors IHM qui dit un message de bienvenue pour me souhaiter bonne chance pour le bac. Oui, bien sûr, avec plaisir également. Ta mère, c'est une grosse salope. Hein. Voilà, avec plaisir IHM. Dis-le qui dit dédicace à mon bébé Tiffany qui vous écoute car elle sait que je tweet et s'il vous plaît, lisez le tweet rien que pour elle. Ben voilà, le message est passé. Juste un mot pour ce fils de pute de Victor Hugo de merde. Et ben qu'il me lèche les boules, cette salope enculée suceuse de merde. Voilà, ça c'est dit. Donc, hein, comme ça au moins c'est fait. Allez, on peut laisser tranquille ce beau Victor Hugo, s'il vous plaît. Il reste une minute pour choper vos packs football. Ça vaut 450€. Le maillot de foot officiel, le ballon de foot officiel et les chaussures de foot. Une des trois marques avec lesquelles les joueurs jouent. Il y a Adidas, il y a Puma et il y a Nike. Si vous voulez le gagner, le pack complet qui vaut 450€, vous envoyez MIKL et la réponse à la question suivante. Le match hier Chili-Espagne, ça s'est terminé sur quel score? 0-2, 0-3, 0-4 ou 0-5? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. On tire au sort dans quelques secondes maintenant. Vous envoyez donc MIKL et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Eh ben, on va d'abord terminer avec le bac. Là, Clément qui est avec nous, là, des Landes. Salut Clément. Salut Mickaël, salut tout le monde. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon, t'as passé le bac aujourd'hui, toi? Ouais, mais pas vraiment le français, non. J'étais passé l'épreuve étude d'un ouvrage, pour être précis. Étude d'un ouvrage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Il faut nous expliquer parce qu'il n'y en a aucun dans cette équipe qui a passé le bac, ouais, hein, faut quand même le savoir. Ouais. Ah si, Sandro, je crois. Si, Sandro a le bac. Bah, oui. Je suis à... Le bac quoi? Le bac, wow. Bac régime? Bac bac à glace. Bac technologique. Bac techno, d'accord, ok, très bien. Bon, et donc, du coup, ouais. Attends. Mais du coup, je suis. Attends. T'as appris à faire quoi De la soudure, et sérieux? Non, c'était administration. Ah, d'accord, ok, très bien. Technique, je dis l'autre, elle est là en train de faire des structures métalliques. Bon, et donc toi Clément, vas-y, excuse-nous, tu disais? Pas de soucis, ben, je passe mon bac, donc aujourd'hui je l'ai passé. L'étude en ouvrage, c'est un peu, vu que je passe un bac électrotechnique. Ouais. C'est spécialité électrotechnique, donc 5 heures à remplir un document de merde. Oh putain. Et donc demain, je passe, vu que je suis en alternance, je passe pas toujours au même endroit. Et demain, c'est où? Donc demain, je suis vers Bordeaux, donc vu que j'habite à quasiment 1h30, 2h de là. Oh, ça va, ça te fait une balade? On s'est dit avec mon pote, on va prendre une nuit d'hôtel, comme ça le matin, on est tranquille. Ouais. On arrive là-bas, on se prépare, on regarde le match, la fin du match. Évidemment, aussi. Normal, chacun a les priorités, évidemment. Hein. Ah, ben, on a pris l'hôtel avec la télé, sinon c'est marrant. Bah, tu m'étonnes, évidemment. Donc on s'est dit, on va se coucher, donc on va réviser pour demain. Je me dis, je vais réviser mon dossier. Ouais. Ah ben non, il est chez moi. Oh putain, tu l'as oublié, qu'il est con. Ça, c'est ballot. Oh, qu'il est con. Oh, qu'il est con, mais là, c'est le mot, là. Oh, qu'il est con. Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Ah bah, donc demain, freestyle. Donc je me dis non, je me suis dit sur un coup de tête, je vais le chercher, quoi. Ça fait 3 heures de route, quoi. Enfin bon, ouais, pourquoi pas. Là, je suis sur la route, là. Ah, t'es sur la route? T'es sur la route du retour ou la route de l'aller? Ouais, là, je pars quasiment de chez moi, là. Ah ouais, donc tu retournes de nouveau vers Bordeaux, là. Du coup, vers Bordeaux, ouais, pour y aller demain et pour revenir demain soir. Bah ouais, c'est génial. Ah bah, ouais, génial, oui. Bah écoute, bah bonne chance, alors, hein. Ouais. Bah oui, bon, ça va bien aller. Ça va bien aller. Il y a un message qui est arrivé avec Mickaël au 64-900. Je vous emmerde tous car vous lisez pas mes textos qu'on vous envoie. Bah si, on les lit, mais il y en a trop, il y en a beaucoup qui arrivent. On peut pas tous les lire. Alors, avec les messages sur le Twitter également, on fait un tri. On peut pas tous les lire. Voilà. Bah écoute, bonne chance à toi. Tiens-nous au jus. Et puis bah écoute, bonne merde. Merci. Clément. Bah, avec plaisir. Merci. Salut Clément, ciao à toi. Merci, ciao. Allez, à bientôt Clément. Bon, allez, avant de faire les appels malveillants, eh ben c'est l'heure d'offrir le pack donc Mondial 2014, offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. On y va, on appelle maintenant quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. C'est parti. Allez. Si ça décroche... Ah. Allô? Allô, bonjour, comment tu l'appelles? Je m'appelle Anthony. Salut Anthony, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, t'as quel âge, dans quelle ville là? Putain, je viens d'avoir 23 ans, il y a même quelques minutes. Non, c'est ton anniversaire. Le jour de mon anniversaire, c'est une mère. Eh bah musique. Voilà. Eh bah bon anniversaire Anthony. Merci, je ne savais même pas, merci. Eh, pourquoi t'es essoufflé comme ça, t'es en train de te branler ou pas là? Même pas, j'ai été voir mon meilleur ami en fait, qui habite à côté de chez moi, donc... Ah, tu t'es fait enculer. Ah non, non. Tu t'es fait enculer. Ah oui. Entre amis, ça compte pas, il peut bah t'enculer, oui, voilà. Mais c'est neutre. Exactement, ouais. Hein? Non, quand même pas. Ah bah je sais on pas moi. Pas ce mois-là, c'est bon, non. Bah après c'est comme tu veux, juste un doigt. Moi peu importe. Non, quand même pas, non. Bon, non. Tu avais tenté de répondre à la question, quel était le score entre le Chili et l'Espagne hier soir, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5. T'as envoyé Mickaël au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et quelle est la réponse? Le score exact est de 2-0 pour le Chili. Voilà. Eh ben du coup tu repars avec le maillot de football, le ballon de football et bien entendu les chaussures de football offertes par Pro Direct Soccer et par Fun. Bon, quel maillot tu veux là, une des équipes du mondial, tu peux choisir celui que tu veux. Allez, on va prendre le maillot de la France. Le encore? Non, on va changer le maillot du Brésil parce que j'ai mon nom, un nom brésilien. Ah bon, c'est quoi ton nom? Pelé, comme le footballeur. Oh, fort, c'est bon ça. J'ai la chance de rencontrer sur Paris. En plus, bah, nickel. Bon, tu prends le maillot du Brésil. Ah, Brésil. Brésil. Oh, mais toi, c'est Pelé. Pelé comme la pomme. Oui, c'est pelé comme la pomme. Voilà, c'est ça. Ou comme appelé Fun Radio. Bon, eh ben écoute, on va te filer le maillot du Brésil, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, on va attendre avant de t'envoyer tout ça que le mondial se termine. Des fois que le Brésil gagne, hein, qu'on ajoute une sixième étoile ou pas. Ah, suspense total, sixième étoile comme le mois de juin. Bah écoute, on verra. Non, mais c'est parce que si on te l'envoie maintenant, t'auras un avec 5. Alors pour peu qu'il gagne le mondial, allez, tu y seras. Avec deux, alors. Bah il sera périmé. Ça, j'aimerais bien que ça soit la France aussi, mais allez, on va attendre la fin du mondial. Bah, attendons la fin. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas l'Espagne. Ça c'est sûr. Une et deuxième chose est quasiment certaine, ce sera pas l'Angleterre non plus. Voilà. Et encore une autre chose certaine, ce sera pas l'Australie non plus. Voilà. Comme ça, au moins, ça c'est les trois choses qui sont quasiment sûres. Bon, en tout cas, bravo à toi. Et puis, merci à tous. Bah, grand plaisir. T'écoutes l'émission. Merci à tous les auditeurs et tous mes amis, toutes les personnes qui m'ont reconnu. Merci. Avec plaisir. T'écoutes l'émission depuis longtemps ou pas, Anthony? Oh ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Vous déchirez. Franchement, je vous adore. Je fais tourner à chaque fois le message d'information pour dire que vous déchirez. Ah, continuez, cool. Continuez de nous faire rire. Continuez à raconter des anecdotes. Continuez avec toutes les personnes. Continuez. Franchement. Eh ben très bien. Eh ben le maillot du Brésil. Comme tu nous aimes bien le maillot du Brésil, on va te l'envoyer. On va mettre la tête de Toff à la place du logo, à la place des étoiles. 5 têtes de Toff pour les à la place des étoiles. Oh, bah, L'horreur. Tu sais, le maillot vaut plus un rond, quoi. Fini, bordel, fini, pourri, quoi. Salut à toi, en tout cas, Anthony. Bye. Merci. Allez, bye. Ciao. Bon, et on remet le couvert, bien sûr. Dès dimanche soir, on sera en direct de Marseille. D'ailleurs, le programme, samedi, on sera là à partir de 16h sur la plage. Putain, à chaque fois, j'oublie le nom. Oh là là. Vous pourrez faire des tours de teuf. Des tours de teuf. Harnacher teuf avec une selle et un harnais. Et vous pourrez faire des tours sur la plage. C'est ça. Non, 16h, samedi, on sera sur la plage Borély. On fera un jeu ensemble et j'aurai des cadeaux à vous offrir. Et en plus, des cadeaux plutôt sympas puisqu'on aura des casques Beats by Dre et des téléphones portables et Aircos 45 Platinum, des smartphones qu'on vous offrira samedi donc sur la place Borély, la plage Borély à partir de 16h. C'est là où il y aura le Party Fun Live, donc venez nombreux. Et puis le dimanche, à partir de 16h également, on sera sur le Vieux Port et on fera la finale donc de cette horreur, hein, le gainage. Oh là là. Et celui qui tiendra le plus longtemps repartira aussi soit avec le casque, soit avec le téléphone. Et enfin, vers 17-18, bon, quand on aura fini le gainage, hein, comme on a fait un mois de gainage, on va les s'engraisser, on va au quick et on va avec tous les auditeurs au frais de toff. Donc venez nombreux et nombreuses, venez avec des potes. Je ne me souviens pas avoir validé. Si, nous on a validé. Donc venez, même s'il y a des potes à vous qui écoutent pas l'émission, c'est pas grave, hein, venez avec eux, il n'y a pas de problème. Ouais, on va en mode bon esprit, un menu chacun et puis gratos, bien sûr. Hein, et on mange pépère sur le Vieux Port dimanche soir. C'est pour fêter les 200 ans de sa mort. Voilà, exactement. Ouais. Et puis dimanche soir aussi, dès 20h, on fait l'émission en direct des studios de Fun Marseille. Donc là aussi, je compte sur vous si vous voulez venir nous voir. Vous êtes bien sûr les bienvenus et bonne nouvelle pour Toff également, puisque sa femme vient également normalement dimanche soir 20h. Ma femme. Et la gueule, il y a eu un moment donné où il a fait. Laquelle? Which one? Qu'est-ce que tu racontes là? Comme dirait Arnold dans Arnold et Willy. Et oui, la femme de Toff qui sera là dimanche à partir de 20h. Donc soyez là, j'espère que vous viendrez nombreux, en tout cas vous. Bah, je vois l'empêchement, moi. Ouais, c'est ça. Non, tu seras là, t'inquiète pas. Et en plus, tu vas payer, donc je peux te dire que ça va être parfait. Julien, qu'on avait plus, qu'on a récupéré. Julien qui appelle de Belfort, t'es là? Julien! Je suis là. Bon, tant mieux. Bon, Julien qui nous avait appelé. Que d'émotions, t'as vu un peu toutes ces émotions? Voilà, rien. Oh là là, et surtout avec cette la plus grande émotion de la soirée, je pense que ça restera définitivement ça. C'est le Club Med. Ouais, je sens. Ah ouais, j'ai aimé toute ma famille à force de rigoler. C'est la chanson de Damien, hein. C'est le Club Med. Ah, carton rouge pour les Grecs. La 37e, ils terminent à 10, là. Ça va être compliqué pour eux, mais bon. Salade, tomate, oignon. Bon, Julien, alors, toi, tu nous avais expliqué que t'avais été chez un pote pour voir un film et qu'en fait, il a mis un film de boule. Voilà. Bon, c'est plutôt bien. Enfin, ça dépend, mais... Ouais, ça dépend quel film, quoi. Ça dépend quel film. C'était quoi? Je connais même pas le nom. C'est un truc amateur. Ah ouais, non, c'est de la merde. C'est du truc amateur. Ouais, voilà. Qui à la fin, écrit en gros, merci Poutine ou Poutin, ou je sais même pas quoi. Poutine ou Poutin? Ouais, je sais même plus. Non, ah, tu sais, merci Jackie et Michel, normalement. Ouais, mais attends, mais pourquoi il t'a invité à regarder un film de boule? C'est bizarre, ça. À la base, je venais pour jouer à la console, puis après, il a dit, bah viens, on se mate à la TVD. Ouais. Puis, il a mis ce truc, là. Et puis, vous êtes branlés ensemble. Mais quel âge il a, lui? Il a 15 ans, donc plus que moi. Ah ouais, mais attends, mais c'est lui, à mon avis, ça doit être le DVD de son père, non? Non, moi j'avais 15 ans, j'avais des DVD comme ça à la maison. Ouais, non, t'avais des cassettes vidéo. Ouais, c'est ça, il avait des cassettes vidéo. Ouais, c'est ça. Bon, et à aucun moment tu dis, bon, écoute, en fait, bon, je me filme de boule, je m'en branle, en fait. Bah, non, à la moitié, je me suis taillé, je vais faire ranger le chat, je suis rentré chez moi en courant. Et du coup, bah, il m'a jamais rappelé. Mais tu crois que c'était bizarre. Une façon de t'annoncer qu'il voudrait coucher avec toi? Ah oh, bah non, mais si, je ils ont qu'à s'en emballer. À la base, il a quand même une meuf, quoi, donc... Oh, mais ça veut rien dire, regarde, Toff. Oui, c'est ça, il est recto verso, oui, mais... il est unique, c'est une chose bizarre, mais... Ah oui, c'est une chose bizarre. Merci, ah, complètement Julien. Bizarre, hein, la chose, hein. Ta mère, c'est une grosse salope. Voilà. De trou du cul. Voilà. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, du coup, Julien, alors? Bah, je veux juste savoir pourquoi elle a fait ça, puis s'il y avait déjà des gens qui avaient vécu ça. Ah ben, je sais pas, après, il faut peut-être lui demander aussi, ce serait peut-être mieux. Maintenant, déjà vécu ça, non, j'ai jamais été chez un pote, on n'a jamais regardé un film de boule ensemble. Alors, je vais raconter une histoire. Il fut un temps, à une autre époque, nous étions ailleurs. Et avec Toff, le soir... Dans un autre monde, en fait. Hein. Voilà, quand nous avions fini de travailler, avec d'autres personnes que je ne nommerai pas, nous regarderions des films de cul. Ah ouais, on se choisis fait... par Toff. Bien sûr. Et on mettait ça à fond dans le bureau, et voilà. Mais... Et la sécu passait et se demandait ce qu'on foutait. Voilà. Et on regardait des films de cul pendant une heure, quoi. Non, mais on se marrait parce que. En plus, Toff, il les choisissait. Il y en avait un horrible, il faut que je raconte. Le mec, il était comme ça, et. Donc il baisait la meuf, et il la prenait en levrette, et à un moment donné, il lui met son pied sur le visage. Ah oui, ça a été horrible. Il lui met son pied sur le visage, il la baise, après il lui crache dessus, oh. et il lui met des doigts, mais c'était horrible. Et Toff était mourir. Et après, je ne trouvais pas de pelou, moi. Et après tu trouves tes potes chelous. Ah non, finalement ils sont pas si chelous que ça. Ah non, a priori. Bon, est-ce que ça vous est déjà, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de regarder un film de boules, des potes vous ont invité chez eux et puis bah ils ont mis le truc, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez réagi en fait? Bah bien sûr, moi quand j'étais au collège avec mes potes, on se faisait des concours de branlettes, le premier qui avait fini devant devant le film de boules. Ah non, c'est top ça. Quelle horreur. Bah oui, évidemment. Bon, appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Du coup, Julien, tu restes avec nous. Damien également, là on va mettre ton single en entier. Je sais pas, mais en tout cas on va mettre Club Med. C'est le Club Med. Ça va être énorme ça, Damien. Il est endormi. Damien. Damien. Mais il est où? Je crois qu'il faut le rappeler. Enfin, mais qu'est-ce qu'il fout là, Damien? Bon, on va le rappeler dans quelques minutes. Là, je pense qu'il s'est, oui, il s'est endormi. C'est pas grave. On se met. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Gilon l'ami, Iggy Azalea avec Fancy. Ça me paraît un bon plan, ça. Hein, ouais, c'est bien ça. Voilà. Et juste après, promis, on fait les appels malveillants de Tof. La deuxième giclée d'appels malveillants. Hop. J'espère qu'on aura un aussi gentil que celui-là, par exemple, qui était très très gentil. De trou du cul. Ouais. Voilà. First things first, I'm release. Iggy Azalea sur Fun, c'était Fancy. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et un petit message qui dit petit message du sud-ouest pour l'entreprise Brunel car on bosse de nuit dans les champs. Merci l'équipe de Fun, restez comme vous êtes, c'est Mathieu du 80. Bah merci Mathieu, merci à tout le monde d'ailleurs qui bosse avec toi là. Emeric aussi, est-ce que c'est possible que Toff se fasse défoncer le cul par Jean-François? Écoute, je ne sais pas, on peut toujours lui demander. Et alors le doux dandy aussi qui dit pouvez mettre un coup de pelle à Paul qui déprime à cause des orientations en fin de troisième. Oh ça va Paul. Arrête gros. Allez hop, voilà. Et Elodie Love qui dit ah non Toff à la gueule. D'Elephant Man, toujours selon ma mère. Et alors, salut, c'est Joël de Paris, j'écoute votre émission depuis ses débuts, elle est géniale. Laissez donc Victor Hugo en PS, son poème était magnifique. PS, où sont donc passés la lance, le lance-flamme et le pipeau? Bah, le pipeau, il a cassé. Et puis le lance-flamme, bah, il est toujours là, hein, il est là. Voilà, mais le problème c'est que j'ai peur que si on brûle encore un peu trop Toff, en fait ses os finissent par fondre. Oui, donc, c'est ça. Voilà. C'est pas dommage. C'est une question de sécurité. Hein. Et Valo qui dit une fois dans le train, un mec qui à côté de moi regardait un porno sur sa tablette, volume à fond dans le casque tout le long du voyage. Oh putain, ça c'est bon ça. Et David aussi, salut toute l'équipe, ça fait plaisir de vous réécouter. Je vous écoute, je vous écoutais à l'époque, je peux avoir un message de bienvenue bien dégueulasse et long de préférence. Bon, alors, bien dégueulasse et long de préférence, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Ferme ta gueule, moi j'ai même pas envie de te parler à la sortie là. Moi je vais te prendre, je vais te crever ta race, enculé, va, tu vas voir. Je te jure, tu vas me sucer les boules mon gars, mais tu vas tellement les gober. Mais alors, elles vont tellement aller loin dans ta bouche mon gars, tu vas voir. Voilà, tu vas voir. Et t'es bien, celui-là. Ouais, quel homme adorable. Voilà. Bon, en parlant de petits messages de bienvenue, je propose que nous fassions de nouveaux appels malveillants. Mais avec plaisir. Et donc, le thème de l'appel malveillant était le suivant. Nous sommes tombés sur une information qui disait que il fallait, pour bien faire, pour éviter le cancer de la prostate, se branler au moins une fois par jour. Voilà. Et voilà. Pour les femmes, ça évite certaines infections. Infections, oui. Exactement. Donc, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Mais oui. Eh bien on appelle. Allez, envoyez. Eh bien envoyez et on appelle. C'est parti, minuit 46. Oui, allô? Déjà, vous avez déjà quelqu'un au bout du tuyau? Oui, bonsoir madame. Oh, bon accueil, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? On rappelle? Charmante. On rappelle. Bien sûr. C'est reparti. Il est toujours minuit 46. C'est la mi-temps presque. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Eh, hey, t'as pas marre de faire chier, t'as sale fils de pute. Hein. Hey, je m'excuse monsieur, mais vous. Eh, hey, ta gueule, je te dis. Eh, hey, tu m'as fait chier comme ça et je te promets, je te donne rendez-vous, moi. Eh, hey, je te plombe la gueule. Oui. Ouais, bah tu fermes ta grande gueule parce que là, tu vois, le téléphone, les soins écoutent et les flics, ils sont en train d'écouter, pauvre bâtard. Ah bah putain, ils doivent savoir que vous êtes vraiment un mec vulgaire alors. Et alors, je m'en bats les couilles de ta gueule, t'as pas à nous faire chier à ce temps-là, sale con. T'as autre chose à branler de ta vie, t'as pas à te faire chier des gens qui bossent toute la journée. Bah non, moi je veux juste savoir. Ouais, bah tu fermes ta grande gueule, je te dis, ouais, tu me fais pas chier. Oui, mais... Moi je bosse toute la journée, alors tu fermes ta grande gueule. Oui, mais. Des trucs de cul, tu te les gardes pour ta gueule et t'évites de faire chier les gens qui sont honnêtes. C'est clair? Mais... Sinon, moi, je te donne rencard dans un coin et je te fous un coup de fusil dans ta gueule, moi. Et je vais endeuiller toute ta famille, sale bâtard. D'accord. Tu veux, un rendez-vous, là? Bah... Vas-y, donne-moi un rendez-vous quelque part, je te plombe la gueule, moi. Non, moi, je veux juste que vous répondiez à ma question, monsieur. Tu veux quoi là? Que vous répondiez à ma question, monsieur? Ouais, bah ta question, tu te dis, c'est un coup de fusil de chasse dans ta gueule, sale bâtard. Bah non, monsieur. Alors, ça... donne-moi rendez-vous quelque part, je descends, moi. Vas-y, allez où ta boîte là? Alors moi, je suis. Tu fais Fun Radio de merde avec Arthur là, à Paris. Quoi? Tu crois qu'on le sait pas, ça? Moi, j'ai... non, ouais, mais. Ouais, non, et pour un compte avec Arthur à Fun Radio. Vous faites chier tous les gens tous les matins là. Ouais, on est bien le vous matin là. Vous faites péter les plombs. Oui, mais moi je vous souhaite qu'un truc, c'est qu'on aille tous là, à votre putain de Fun Radio de merde à Paris là, et on vous fasse plomber la gueule. Et vas-y, donne-moi un rendez-vous quelque part. Vas-y. Alors vas-y. on est, je suis 20. Ouais, 20 où là? 20 rue Bayard, monsieur. Ouais, à Paris. Ah oui, à Paris, oui, la capitale. Ah bah oui, avec tous tes copains. Hein, tu te défends qu'avec ça, toi. Par contre, tout seul là, tu chies dans ton bain, pauvre tarasse. Tu te défends qu'avec tes potes, oui. Mais tout seul, face à face, t'es bon à quoi? T'es bon à rien? Bah exactement, monsieur. Eh bah ouais, bah ferme ta gros gueule. Donc, bah non, tu fais bien partie de la bande Arthur, hein, ton pote Arthur, là. Tu sais, celui qui présente la télévision de merde, là. Bah tu pourras y dire aussi, c'est qu'un fils de pute. Bon, sinon, Arthur, il a bossé sur Fun, c'est vrai, mais enfin, il y en a très longtemps. Et il faisait le matin, je vous explique même pas, c'était encore, il y a plus longtemps encore. Ah ouais, ouais. C'était en 92, donc bon, comment te dire que il s'est un peu arrêté, lui, hein. Oh putain, mais c'est waouh. Wow. Comment dire, on va le rappeler encore un coup? Oh, t'es sûr? Allez, une dernière. Je sens qu'il a pas tout dit, là. Oh, j'ai peur. Je sens qu'il a pas tout dit. Sale bâtard. Enculé. Vous allez arrêter de m'appeler, connard. Mais attendez, vous avez pas répondu à la question, allô? Non, mais la raccroche, oh. Ta mère de pas. Ouais, voilà. Bon, bah tant pis, on aura pas de nouvelles, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est bon, dommage. Bah ouais, bah si vous avez d'autres numéros comme ça, nous envoyez là, des gens aussi charmants que celui-là, enfin que ceux-là, n'hésitez pas, vous balancez juste le numéro sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Il y a Dilek qui dit putain, mort de rire, le connaisseur, il veut pas fermer sa gueule, lui. Ladia également, qui dit ah, mort de rire, il est resté à l'époque d'Arthur. Et alors, il y a un message qui m'a fait rire aussi sur les SMS qui est arrivé en débutant le message par Emickel, suivi de votre message qui ça se fait pas, j'ai mis la bonne réponse et vous avez pas appelé. Oui, alors comment t'expliquer? En fait, il y en a beaucoup qui ont mis la bonne réponse, mais on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et donc, on en tire un au sort. C'est normal. C'est pas parce que tu mets la bonne réponse que d'office tu as gagné. C'est normal aussi, ça. Voilà, donc c'est... Oh, c'est le principe du jeu concours. Je tire parmi les bonnes réponses, tout simplement. Bon, il y a un message qui salue. C'est Kevin. On est nombreux à t'écouter en prison. Tu peux nous mettre un petit message de bienvenue? Mais évidemment, avec plaisir. Alors, attends, qu'est-ce que je peux te mettre? Attends. Laisse-moi regarder. Pour tous ceux qui sont en taux, là, je vais... Ah, celui-là est pas mal. Ouais, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va te faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu nous casses pas les couilles, ok? Voilà, en toute gentillesse. Eh, on est un peu une sorte de liberté pour eux. Tout à fait. Va t'occuper de ton gros cul, va. Ta gueule, va niquer ta mère, va, sale fils de chien. Ah là, tu vois, gentil, hein. Tu vas niquer ta mère correctement, et puis tu vas éviter de me casser les couilles, déjà. Oui, t'es très gentil celui-là aussi, là. Ouais, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va te faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu nous casses pas les couilles, ok? Voilà, dans toute gentillesse, en toute bonté. Allez, nique ta mère, la pute! Ouais, ça faisait longtemps celui-là, tiens, on l'avait plus entendu, tiens. Oh là là. Minuit 51, sur Fun Radio. Il y a donc toujours Julien. Toujours là, Julien? Toujours. Bon, tant mieux. On va se faire le gainage tout à l'heure aussi, là, dans moins d'une heure. Ça va être une angoisse. Oh, ça me fait chier. J'avais pas envie de venir à la radio juste pour ça aujourd'hui. T'imagines un peu? C'est une idée de tof, hein. Mais ouais, putain, c'est relou. Il a toujours ses idées de merde, lui. Eh ouais. En plus, on fera la finale du gainage, là. 270 secondes sur le Vieux-Port à Marseille, dimanche soir. Oh 16h. Là. Dimanche 16h, on sera sur le Vieux-Port à Marseille. Venez nombreux, il y aura des cadeaux. On va tous faire le gainage par terre. Ça va être cool. Mais ça fait combien de 270? Ça fait 3 minutes. Ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Je vais m'installer sur Tof. 210, ça fait 3 minutes 30, donc un peu 4 minutes 30, grosso modo. Si Tof fait le gainage et je m'allonge sur lui, ouais, tu peux pas. Si tu veux. Bah oui, c'est compte. Tu peux essayer. Voilà, donc mais je serai gagnant. Faire un double gainage. Je suis gagnant dans le gainage. Voilà, ah oui, dans le gainage, tu vas gagner. Bon, Julien, donc toi, tu nous avais appelé parce que ton pote t'a montré un film de boules, il t'a invité à voir un film et en fait, c'est un film de boules, c'est un peu bizarre. Et Jérémy qui est avec nous de Lille aussi. Salut Jérémy. Salut Mika, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, très bien. Attends, il y a un message d'Emery qui est arrivé. Le pauvre Tof, quelle violence. Non, je déconne. Crève Tof, cordialement. Et je te remercie, c'était trop gentil. Par rapport à l'appel malveillant, et à dire qu'il est oh my god, il est vraiment énervé le mec. Franchement, vous êtes trop fort. Et puis Pedro Miguel Paoletta. énorme ce mec, je crois qu'il était encore à l'apéro. Oui, je pense qu'il avait effectivement un petit peu trop cuvé, c'est clair. Et Aurore qui dit énorme le, vous êtes dans la même bande qu'Arthur. Tu pourras lui dire fils de pute, juste énorme sale bâtard. Je suis plié en deux, merci pour ce grand moment. Je suis toujours avec grand plaisir. Mais voilà. Oui, si on peut rendre service. Toujours. Bon Jérémy, tu voulais réagir à Julien toi. Est-ce que t'as déjà été invité chez des potes pour aller voir un film de boules? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Bah, en fait, mes potes m'invitent. Ouais. En fait, on fait une partie de PlayStation au début, et après, ça arrive de temps en temps, on mate des films de cul, en fait. C'est dingue. Bah oui, normal, quoi. Ah ouais, donc, et quoi, vous vous branlez ou vous regardez juste pour la beauté du film? De temps en temps, ça arrive, on se touche vite fait, tu vois. Moi. Mais ensemble ou séparément? Est-ce que vous faites branle-moi, je te branle? Non, moi, je Ah, vous êtes des coquins, hein. Ouais. Moi je regarde plus Jackie Michel. Mais tu regardes plus ou tu regardes plus Jackie et Michel? Je regarde plus souvent Jackie et Michel. Moi. Mais c'est naze. Ah je sais pas moi, je t'avoue que les gens ils sont dégueulasses. Ouais, j'avoue que quitte à regarder un film de boule, autant regarder un film de boule où il y a des bonnes des bombasses quoi, tu vois. Un bon film américain avec des bombes de meufs en plastique et tout. Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Bah écoute, pourquoi pas. Attends, il y a Elodie aussi, on va demander l'avis aussi d'une fille, c'est bien Elodie d'Épinal. Salut Elo. Salut. Comment tu vas? Ça va et vous? Bah écoute, bien, tranquille, là on est impatients, Marseille ce week-end, on va être bien. Ouais, on va être bien. On va être bien. Moi je suis un peu loin de Marseille. Hein. Ouais, bah tous les Marseillais venez nous voir ce week-end, hein, 16h sur la plage... Borelli. Borelli, voilà. C'est dingue ça. Borelli. Voilà, plage Borelli. Donc à 16h samedi, on va faire des jeux ensemble et puis on aura des cadeaux pour vous. Casque Beats by Dre, on aura des smartphones également à vous offrir. Et puis bah le dimanche, à partir de 16h également, sur le Vieux Port, on va se faire le gainage, la finale. Celui qui tient le plus longtemps repartira aussi avec un des deux cadeaux. Et puis vers 17-18, on ira bouffer aussi tous ensemble au Quick, au Fred Toff, un menu par personne. Et si vous connaissez des gens qui n'écoutent pas l'émission mais qui sont des potes à vous, bah faites-les venir aussi. Hein. Tant qu'à faire que je paye. Ah oui, c'est Toff qui rack, et puis comme ça ils connaîtront l'émission. Et puis à 20h on fait l'émission en direct des studios de Fun Radio Marseille, et là aussi vous serez bien sûr les bienvenus. C'est 49 quai des Belges sur le Vieux Port à Marseille. Voilà, si vous voulez venir vous êtes tous les bienvenus. Bon, alors, si vous croisez des gens sur le Vieux Port, dites leur de venir aussi. Ah hein, bah bien sûr, évidemment. D'ailleurs on invitera aussi les serveurs et serveuses. Bah bien sûr, tout le monde. Bah si une mignonne à la caisse, faut voir. Bon, il est mignonne, faut voir. Oui, bah oui, lui il préfère les moches, oui, c'est vrai. Bon, Elodie, alors, toi tu voulais réagir à Julien et à Jérém, donc est-ce que, comme Julien, t'as déjà eu des coups comme ça, c'est genre des copains ou des copines qui t'invitent pour voir un film ou pour n'importe quoi, et puis finalement c'est film de boule party? Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, j'étais petite, c'était en CM1. Ouais. Ah oui, normal. Mais attends, en CM1, vous avez regardé un film de boule? CM1, film de boule, normal. Mais vous êtes pas sérieux? C'est une pote à moi qui était sur l'ordi, qui me fait regarde, j'ai trouvé un truc, elle enlève le contrôle parental et je fais oh putain je le sens mal. Et là elle me met un truc de malade et je suis partie en courant, j'ai été vomir dans le jardin, enfin c'était pas possible. Mais ah oui, tu m'étonnes, là. Bah oui évidemment, oh là là, c'est un truc. Mais ouais, mais CM1, ça fait quel âge CM1? C'est 10 ans à peu près. 10 ans, bah oui, c'est ça, trop tôt, évidemment. Oh là là putain. Et du coup depuis tu es bloqué sur les films de boule ou tu regardes? J'ai regardé une fois pour le fun, mais non, c'est bon, ça m'a fait un blocage, je crois. Ça t'a fait un blocage, bah ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je comprends qu'un mec regarde un film de cul pour se branler, mais sinon, ça a aucun intérêt. Ah bah oui, d'ailleurs, on l'a dit hier, hein, c'est des masturbateurs, ceux qui regardent les films de boule. Parce que c'est pas, enfin, y a pas un grand réalisateur, c'est pas plaisant, en fait, à part si t'as envie de te branler, mais sinon, ça a aucun, enfin, je sais pas, tof. Non, ça a aucun intérêt, c'est juste, tu te branles, tu te fais... C'est-à-dire qu'au final, moi, même un film de cul, je le regarde en plusieurs parties. C'est-à-dire une fois que je finis de me branler, je garde la suite pour une autre fois. Voilà, mais on pas tout gaspiller, quoi. Bah, c'est normal. Ah, pas tout gâcher d'un coup, c'est évident. Bah, merci Jérémy et Elodie d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, tous les deux. Une fois aussi, j'ai même regardé un film de cul avec ma copine. Oui, mais ça, pourquoi pas, tu vois, ça me choque pas, à la limite. De temps en temps, c'est... J'ai même regardé un film avec ma copine en faisant l'amour. Bah pourquoi pas, ouais, tu vois, après c'est un délire comme un autre. Why mais not. Ça reste du cul tout ça, tu vois. Ouais, ça reste, ça fait partie du cul, ouais. Ça reste pas du loisir comme le mec, ils sont en train de jouer à la PlayStation et puis tout d'un coup ils s'arrêtent puis ils regardent un film de cul, on sait pas pourquoi. Bah, comme Jérém, hein, c'est ça. Mais ça, de temps en temps, voilà, ça arrive, tu vois, bah après c'est pour le plaisir, voilà. Bah oui, mais t'as raison, là-dessus t'as raison, y a pas de problème. On a qu'une vie, voilà, il faut en profiter. Hein. T'as bien raison. Ça, ouais. Bah merci à toi Jérém en tout cas d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux, salut à toi. Y a pas de souci, c'est possible d'avoir un petit cadeau. Bien sûr, pack fun, on va te gérer ça. Je te repasse Sandro au standard. Ça marche. Salut Jérém, ciao. Salut à toi. Ciao. Et Julien, eh ben écoute, merci d'avoir appelé. Et puis surtout, demande à ton pote pourquoi il t'a fait ça en fait quand tu vas le revoir ou quand tu le rends au téléphone là. Ouais. Et tu lui dis que toi ça t'a pas plu, et puis voilà, vous le refaites pas, c'est tout. Oui, y a pas intérêt. Bon, ça roule. Allez, salut Julien. Mickaël. Ouais, Jules. C'est moi que je passe dans l'armée des doux. Ah, tu veux devenir un doux officiel? Ouais, rejoindre la grande armée de Polo. Ok. Eh ben, je te passe Polo, allez, c'est parti. Comment tu t'appelles? Julien. Julien, tu veux rentrer dans la grande armée des doux? Oui. Moi, Polo, qui suis le grand maître de la confrérie des doux ainsi que son général, je peux accéder à ta demande. Pour te faire adouber, tu dois te mettre à genoux. Attends. C'est bon. Insulte-toi. C'est le club. C'est un connard de merde qui va se masturber avec des potes comme un clodo de chien de merde. Pas mal. Prends ton téléphone dans la main droite. Attends, je suis dans la main gauche. Vas-y. Tape-toi sur la tête. Encore. Stop, ça suffit. Julien. Ah oui, c'est ouvert le crâne, idiot. Tu es officiellement un doux, bravo. Tu es adoubé par les pouvoirs qui me sont conférés. Tu seras le doux qui se branle. Le doux branle. Le doux branleur. Le doux branleur. Voilà, n'oublie pas de changer ton pseudo sur Facebook, Twitter et Instagram si tu as. Justement, j'y vais tout de suite. Eh ben parfait, voilà, tu le fais. Et n'oublie pas que tu as une grosse charge sur les épaules, puisque les doux, donc qui sont les auditeurs de Fun qui ont moins de 15 ans ou qui n'ont pas mué, ou les deux, doivent bien entendu prévenir tous leurs potes, tout le bahut, etc. où ils sont, bref, toutes les personnes qu'ils croisent, d'écouter l'émission le soir de 23h à 2h. Et bien sûr le dimanche de 20h à minuit. Je compte sur toi, voilà, Julien. Je peux passer une petite dédicace? Ah bah bien sûr, deux même, puisque tu es un doux officiel, vas-y. Ça marche. Alors, dédicace à Vladimir Poutine, et la deuxième serait une petite pub pour ma chaîne YouTube, puisque ça fait bientôt une semaine que je me suis abonné à la tienne. Ah. Et, toujours pas abonné, mais bon, je pense non, que non, t'es sérieux là? C'est quoi ta chaîne? Non, c'est quoi, chaîne quoi? On va le faire tout de suite, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu de retard, mais c'est vrai que si non, vous vous abonnez bon, à ma chaîne, je m'abonne à la vôtre. Bah vas-y, balance le nom de ta chaîne et on va s'abonner tout de suite. Par contre, c'est long, donc voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Trouver des noms faciles et courts pour qu'il y ait des gens qui viennent sur votre chaîne. Le problème avec les noms faciles et courts, c'est qu'ils sont déjà pris. Donc après, c'est super dur de trouver ta chaîne. Mais non, je suis sûr que tu prends tête de con sur YouTube, ça doit exister, non? Ah non, Toff l'a pris. Ouais, Toff l'a pris. Ah non, tête de connasse. Mais tête de connasse, voilà. Tête de con, c'est libre. Ouais, il y a tête de connasse, tête de cochon. Bah mais voilà. Tête de con, il y a de la place. C'est quoi ta chaîne? Alors, Fatkiller Prod. F-A-T-E-L-E-R. P-R-O-D. Voilà, c'est du jeu vidéo, des podcasts, des vidéos, des films. Fatkiller Prod. Mais pourquoi fat? Ça veut dire quoi, fat? Grand, gros, bref. Ah oui, mais t'as mis un E, alors en trop, là. Fat-E. Ouais, mais bon, comme je... Ouais. Bah oui, mais c'est fat, c'est F-A-T. T'aurais dû être Fatkiller, F-A-T-K. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que... parce que sinon ça fait fat, et fat, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fat, ouais, ou... bon. Ouais. Bah c'est l'allemand. Oui. Bon, on s'est abonné ou pas, Toff? Là, c'est bon, là tu... Non, je ne trouve pas. Bah, oh, en plus, on ne trouve pas. Là. Donc, avec un point, après le D. Ça y est, avec un point après le D. Après quelle lettre? Après le D à la fin. Ah, fat killer, prod, avec un point. Voilà. Oh là là, c'est pas du tout compliqué, effectivement. Ouais, si ouais, c'est bon, avec le point, ça passe. Ah, avec le point, ça passe, très bien. Voilà. Voilà, allez, on est abonné. Voilà, on est abonné à ta chaîne. T'as intérêt à faire un des trucs bien, Julien, hein, mais pas de la merde. Hein. Tu quoi? Un petit pas de scène pour. Mais évidemment, tu vas gérer ça, je te repasse Sandro Standard, là. Elle va gérer ça merci avec toi. Beaucoup. Salut, ciao à toi. Salut. Allez, bientôt, Julien, ciao. Juste après, Damien avec le magnifique son. C'est le Club Med. Tu restes là, Damien? C'est pas possible, c'est pas nouveau endormi. Damien! Oh, bon, on va le rappeler. Allez, c'est Coldplay qu'on écoute maintenant, A Sky Full of Stars sur Fun Radio. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Il est 1h04 sur Fun, on est au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue si vous arrivez pour la première fois, c'est Mickaël No Limit et Coldplay à l'instant, A Sky Full of Stars. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Il y a des messages qui sont arrivés par SMS notamment. Putain, Toff, arrête d'être soumis, rebelle-toi un peu, c'est Andrea. J'ai peur de vous appeler, mais j'ai plein de choses à dire. Mais appelle-nous, mais n'hésite oui, pas, t'inquiète. Pas oh là là, si jamais t'as peur, on mettra une muselière à Toff, il n'y a pas de problème là. N'hésite pas, tu nous appelles 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Elodie and Love sur le Twitter. Est-ce qu'un jour Toff va se refaire la tronche? Bah, je ne sais pas. Écoute, peut-être. Bah pourquoi vous voulez que j'en fasse la tronche? Moi je me kiffe. Elle est bien comme ça. Bah, regarde dans un miroir. Valo qui dit n'empêche, Toff il est trop gentil, il accepte de se faire insulter comme un rat mort juste pour qu'on rigole bien. Et Marjolaine qui dit c'est facile à tenir le gainage, le fait à la boxe. Il faut être sportif pour le faire et il faut avoir des abdos. Ouais. Bah oui, mais justement nous c'est pour en avoir avant d'avoir le ventre plat. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est un nouveau truc, ils avaient fait défi 30 jours. Genre en 30 jours t'avais perdu du ventre. Bah j'attends toujours. Hein. Bon, Jeanne-François, ce qu'il y a avant que les os de Toff ne fondent, il y a tout le gras qui doit fondre en premier. Et David qui dit salut toute l'équipe, ça fait plaisir de vous réécouter, je vous écoute. Ah oui, je l'avais déjà lu, tiens, ouais. Écouté à l'époque tout à l'heure. Et puis un message aussi qui vient d'arriver de Nelson qui dit salut Mickaël, comment s'appelle le nouveau single de Damien? Alors justement, le nouveau single de Damien. Damien, t'es toujours là? Ouais. Eh, hey, dis-moi. On a eu peur, hein. Dis-moi, ouais, on avait perdu. Tu voulais pas, il me semble que Sandro m'avait dit que tu voulais faire un canular à ta tante ou je sais pas quoi là. À ma belle-mère, ouais. À ta belle-mère, tu voulais faire croire quoi? Je voulais faire croire que j'étais en haut de l'immeuble. Ouais. Avec des potes à moi. Ouais. Et que je sais pas comment descendre. D'accord. Bah prends l'ascenseur. Bah ouais, oui, prends l'escalier. Non mais ça a l'air d'être du lourd. Hein. Ah ouais. Si tu prends l'escalier. Non, même pas l'escalier, sur le toit. Ouais. Mais oui, enfin. Mais tu veux qu'on l'appelle ou tu veux qu'on écoute la musique avant? Je préfère qu'on l'appelle la semaine prochaine. Ah, tu préfères la semaine prochaine? Attends, alors ce qu'on va faire. Attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en situation. On va faire comme si on avait ta tante au téléphone. Ouais. Pour on va répéter. On fait une répétition comme ça la semaine prochaine on appelle en direct. D'accord. Elle s'appelle comment ta tante? Agnès. Agnès, ma belle-mère. Agnès, comme ta belle-mère. Oui, c'est normal. Bah oui. C'est parce que c'est ta belle-mère qu'on va téléphoner, qu'on va appeler. Bon, écoute, ça me paraît pas mal ça. Hein. Donc, écoute, on l'appelle, d'accord? D'accord. Putain, elle décroche pas ta belle-mère, qu'est-ce qu'elle fout à cette heure-ci? Elle doit dormir peut-être. Ah voilà. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui? Ça va? Oui, ça va, et tous toi? Les coups avec lui, c'est ça qui est drôle. Ça va, ouais. Bon, tu m'appelles pourquoi, mon petit? Ben, je t'appelle parce que, en fait, je suis avec des potes sur le toit d'un immeuble. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, mon chou à la crème? Ben, je sais pas, je voulais monter, du coup, j'arrive plus à descendre. C'était tellement haut. Ah ouais? Je peux même pas descendre, qu'il faut payer secours, je pense. Tu as le vertige, mon champignon? J'ai vraiment le vertige, et en plus, il n'y a même pas d'escalier. Bah, tu sais ce que tu fais, tu restes bien au milieu, hein, mon bisounours. Attends, je suis sur le toit, je sais pas comment descendre. Oui, mais reste bien au milieu, hein, ce serait dommage que tu tombes. Ouais, mais ça peut être secours, il faut quelque chose. Mais non, je vais mettre une échelle, hein. Je vais mettre une échelle, je viens te chercher. Ça sert à rien, l'échelle n'est pas assez grande. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas ce que j'ai comme échelle, mon lapinou? Ouais, ça sert à rien, je te connais, t'as pas d'échelle. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je vais aller voir le voisin, il va me prêter son échelle. Ouais, mais je te connais, t'as pas d'échelle. Matin, franchement. Qu'est-ce que tu dis, mon lapin? Les voisins, à 1h du mat, il n'y en a même pas, alors ça sert à rien. Comment ça, il n'y a pas de voisin? Mais il est 1h du mat, tout le monde dort. Ah bah oui, mais je vais le réveiller. À quelle heure? Attendez quoi, avec des claques-doigts? Comment? Je Nous vous mettons pas. En liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Allô, gendarmerie nationale, bonsoir. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Il y a mon petit poussin qui est coincé sur le toit. C'est-à-dire votre poussin? Ben, mon poussin, en fait, hein, c'est mon petit Damianou. C'est-à-dire, c'est un animal, madame? Non, c'est un idiot. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc, il est coincé sur quel toit, là? Vous l'avez au téléphone avec vous, pas, là? Oui, il est là, cet abruti. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, oui. Mon bout de chou, faut parler au monsieur de la police. Ouais, vous êtes... Vous êtes la pinou, c'est ça, le poussin, là? Je suis sur le toit d'un immeuble, je sais pas comment descendre. C'est-à-dire, je comprends pas, prenez l'escalier? C'est-à-dire, je suis monté tout en haut d'un immeuble, du coup, je peux plus redescendre. Et vous êtes monté comment, en volant? Ben, pas en volant, non. Vous êtes monté comment? En grimpant sur le mur. En grimpant sur le mur. Et vous pouvez pas dégrapper le mur? Ah, je peux pas, c'est tellement haut, et si je tombe, je risque de... Et vous avez pas pensé à ça quand vous êtes monté? Quoi? Vous avez pas pensé à ça quand vous êtes monté? Mais non, Bichon il pense à rien, il est tellement stupide. Et à aucun moment il n'y a pas d'escalier là, vous avez pas regardé s'il y avait un escalier? Non, il n'y a même pas d'escalier, c'est le mur. Bon, mais peut-être écoutez... comme c'est mon petit canard, il peut essayer de voler. Oui, bah écoutez, alors attendez, je vous envoie une équipe, hein, bougez pas. Hein. Restez bien au milieu, d'accord? Ok. Très bien, attendez, je vous envoie une équipe. Tu bouges pas, chouchounette! Tu restes là, les... Allez, les gars, on le voit là! Damien, attrape la corde! D'accord. Je vous la panne avec quelque chose avec cette corde. Attrape la corde, on va te remonter là! Oui, attends, ma crevette, attrape la corde, ma crevette! J'ai tombé, ah! Bon, bah il est parti là, il est parti, on peut rentrer au bercail là, c'est pas grave. Allez, salut les gars. Bon Damien. Ouais. Tu vois là, il faudra être meilleur. Hein. Ah bon? Mais oui, t'as pas été terrible, hein, mon petit sushi. C'est sûr, je te reconnais, toi. Non, mais oui. Mais Damien, on a dit qu'on faisait une répétition. Bah oui, c'est la semaine prochaine qu'on appelle ta tante en vrai. Parce que t'as cru que c'était ta belle-mère, ta belle-mère là. Non, j'ai fait croire. T'as fait croire que c'était ta belle-mère. J'ai fait croire. D'accord. Non mais t'as bien fait, bah bien sûr, évidemment, bien sûr. Y a Laura qui lui faisait des bandes de ouf, Damien est déjà fou, vous êtes encore pire que lui. Mais non, pas du tout. Sinon j'ai une insulte pour Victor Hugo. Ah c'est quoi? C'est que sa mère s'est fait enculer par toutes les poubelles alors que t'es enceinte de lui. Donc sa mère s'est fait enculer par une poubelle? Alors qu'elle était enceinte de lui. Ah oui, mais comment ça encule une poubelle? Eh hey, Damien, entre nous, il n'y a personne là. Hey, t'es non, il n'y a personne, non. T'es sur quelle planète là? T'as envie de te faire enculer? Par une poubelle? C'est-à-dire en gros, enculer une poubelle, se faire enculer par un clochard, je trouve ça en gros. Ah. Oui. Oui, bah oui. Eh bah bien sûr, moi j'ai envie de dire, musique. C'est le Club Med. Alors attention, c'est le nouveau single de Damien là qu'on écoute là. Putain, elle a cymbales là, mec. Le canulariste. Attention avec cymbales, hein. Ouais. Je remixe. Ouais, à un moment ça démarre ou pas Damien? Ouais. Ah ouais. Ah ça a bien démarré là. Ah non, on s'en rend pas bien compte là pour le coup mais... Ouais. Tu dis qu'autre chose que Club Med à la chanson ou pas? Ben, en fait c'est... je suis enregistré en train de faire des bruitages, c'est pour ça. Ah bah oui. Bien sûr. Club Med. Ah Club Med. Et le titre de la chanson c'est quoi? Club Med. Ah c'est Club Med. Non. Ah j'aurais pas cru. Ah oh, bah merde. Et au niveau des paroles, tous les textes, les lyrics, ça t'est venu comment en fait? D'où viennent justement? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette chanson? Ouais, ça m'a inspiré un petit peu dans ma tête. Ouais. Mais ça t'a inspiré d'où? Ouais, ça m'a inspiré, parce que j'avais des trucs célèbres, c'est pour ça. D'accord, et par rapport à Do You Want Some Bread, par contre, le single d'avant, est-ce que vous pensez que là, c'est le single de la maturité? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire? Ça dépend, il y a une partie où c'est un peu con et une partie où c'est pas con. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que je peux vous demander de rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail? En gros, la première musique, elle est moins terrible que l'autre. D'accord. On s'en est mal à se rendre compte, bien entendu, là, mais comme ça, première écoute. Sauf que mon inspiration, ça m'est venu dans ma tête parce que je voulais être célèbre et je voulais mettre la dance en marche. Ah, tu veux mettre la dance en marche. Hello. So good. Do you want some bread? The bread is fresh. C'est la première. Damien, ouais. est-ce que tu pourrais nous faire un jingle? Il est baisé. T'es complètement baisé de la gueule, toi. Jingle, est-ce que tu pourras faire un jingle? Genre, salut, c'est Damien, do you want some bread? Tous les soirs, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Je le ferai. Eh bah vas-y. Non, bah fais-le maintenant. Non, je vais le faire, il faut que je voie les appareils et tout. Quels appareils? Les appareils, les instruments. Non, mais là, comme ça, là, a cappella. Oh mon dieu. Ah, j'ai essayé. Vas-y. Bah vas-y. Capella, c'est pas une ville, hein, c'est. Ouais. Ça veut dire que tu fais sans instru. Sans instrument, comme ça, là. Comme ça, à blanc, tu vois. À la fraîche. T'es gay, je vais le faire en direct. Alors, ouais, vas-y, on t'écoute, hein, on t'écoute. Attends deux secondes, attends, il faut que je joue le morceau. Hein, quoi tu veux jouer le morceau? Je vais jouer le morceau parce que je vais le modifier après, hein, sur les paroles. Ouais, bien sûr. Ok, fais comme attends, tu sens. Ça va être parfait. Attends. Ouais, on fait que ça, on en attend, là. Ah, tu sais, je vais en mettre une qui n'est pas encore sophistiquée. D'accord, ok, avec plaisir. Fais ce que tu veux, mais fais-le. Une est trop... Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'il fait, mec? Ça, c'est un nouveau single aussi. C'est un nouveau single encore? Ouais. Ouais, il va le sortir mardi, mais il va te l'envoyer tout de suite. Bon, je l'ai quoi mon jingle? Attends, il faut qu'il se mette dedans là. Je m'appelle Damien. Je suis en direct sur la radio. Ah putain. Il manque plus que ça maintenant. Avec toute l'équipe. Ouais. Une équipe de short. De short, toute équipe de short. C'est parce qu'on est court ça. C'était bravo, hein. Ouais, ouais, bravo, ouais. Bravo. Allô, t'es là? Ouais. Bon, bah, génial, c'était parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc nickel. Bah écoute, on va pas te déranger plus longtemps parce qu'on sait que t'as beaucoup de travail, les enregistrements, etc. Apparemment, j'ai vu sur internet que t'enregistrais ton nouvel album à New York. À New York? Non. Non. Ah bon? Non, parce que l'album, j'ai à peine sur mon PC, je l'ai pas encore sorti. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais, j'avais vu ça sur Internet, mais apparemment, c'est du bruit de couloir. J'avais ça sur le site de Voici, mais bon, visiblement, c'est faux. Donc, c'est faux, alors. Ou alors, c'est l'album, il y a que cette musique dans l'album. Ouais, c'est un bel album, ouais, pas de problème. Ouais, c'est un bon, 7 titres, quoi. Eh ben, écoute, on te rappelle la semaine prochaine pour le canular à ta belle-mère, alors, ok? Ça marche. Bon, ah bah, salut, hein. Attendez, je vous ai un message de bienvenue. Tu veux un message de bienvenue? Et horrible, un peu comme le Marseillais par exemple. Horrible. Horrible, un peu comme le Marseillais par exemple. Qu'est-ce que je peux te mettre? Oui, c'est pas mal ça. Je vais me masturber sur ta gueule, le gros PDA, tu vas voir. Ça te fait un tout drôle. Là. Ça va bouger la semaine, ce PDA que tu es, va. Voilà, bon. Sinon, la réponse pour le match. C'était très bien, vas-y, c'est quoi? C'est 4-0. Non, c'était 2-0 et en plus c'était gagné une heure la réponse. Mais c'est pas grave. Bah, merci Damien. C'était parfait. D'accord. Voilà. Salut Damien. Au revoir. Allez, ciao à toi. Hop là, il peut dormir, c'est parfait. Bon, et ben voilà, on est bien là. Il y a Kevin dans un instant, là, des Pyrénées Atlantiques qui est avec nous. Salut Kevin. Salut. T'as kiffé ou pas la chanson? Ouais, j'ai kiffé. Give me some bread. Bread is fresh. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. C'était bien, non? Attends, je vais faire en mode discothèque, je vais mettre à fond là, ça va craquer. On est bon là, non? Ouais. Au top, même. Bah, si vous avez une voiture avec ampli 17 000 haut-parleurs, la mettez à fond là. Ça c'est pour les gens du Nord ça. On est pas mal. Tiens, il y a Jacques qui dit arrêtez de recruter vos auditeurs qui passent à l'antenne dans des asiles, s'il vous plaît, c'est lunaire. ce son me procure un orgasme auditif. Moi je dis ton avenir est assuré, Damien. Écoute pas ces espèces de teufs qui aiment pas tes sons. Ces musiques représenteront la France, lance-toi. Tu sais quand il dit on dirait qu'il est en train de tomber dans les pommes. Et en plus il dit pas fraîche, il dit flèche. Flèche, bread is flesh. Et Valo qui dit non mais Mickaël, je t'en supplie à genoux devant toi, rassure-moi, il prend des substances illicites. Je sais pas. Nadia qui dit j'adore l'interview de Mickaël. Ah bah attends, nous l'aime bien, on fait les interviews tout le temps là, c'est clair. La chanson elle est d'art, mort de rire, oh my god. Nelson, oh mais c'est quoi le son là, Nelson aussi. Attention, ça va être le single de l'été 2014. C'est Damien là, il est ouf. Bleu également sur le Twitter, mort de rire, je suis mort de rire, j'en peux plus. Ah, ça va mieux là quand même, hein. On est pas mal. On parle de quoi dans un instant avec toi Kevin? Bah que j'ai un problème, que je suis monoboule. Tu es monoboule, très bien, tout un programme. Et eh ben on en parle juste après Pitbull et We Are One, ok? Ok. Allez, Pitbull et Gilo, c'est maintenant sur Fun Radio. We are one. Si vous voulez réagir à l'émission, vous êtes les bienvenus. Vous envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64-900 ou vous nous appelez 01-42-48-5000 et pour la Belgique 02-851-4x0. Les appels malveillants de Tof arrivent dans moins de 10 minutes. Pitbull et Gilo, l'instant sur Fun, c'était We are one. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Et vous balancez encore vos messages, hein. 1h25, on est encore pour une demi-heure, on va se faire les, le gainage dans quelques minutes là. Ah, on est content ou pas? Hein, ouais. je vous sens pas motivé. Mais non, là, c'est de la merde ce putain de gainage. Ah, c'est là, une horreur, hein, moi je suis en angoisse depuis tout à l'heure. Il y a Damien qui dit je suis en camion, je me tape la honte avec votre merde. Comment ça tu te tapes la honte, Damien? Elodie également, Elodie Love qui dit un long tof à la gueule d'Elephant Man, toujours selon ma mère. Et à Charles-Henri qui dit coup de gueule ce soir, plein le cul de polo et sa voix de merde, tof s'en prend plein la gueule à longueur de soirée, mais punaise, il faut foutre un peu de dans la gueule. Le polo, c'est une merde et il y a une émission de 5 minutes qui pollue la soirée. C'est vrai, je suis une grosse merde, mais je soupçonne Tof de l'avoir écrit. Il y a de fortes chances. Et Jeanne-Françoise qui dit la musique de Damien, j'aime pas, j'adore. Ah bah très bien, Jeanne-Françoise, voilà quelqu'un qui a du goût, tiens. Mais c'est aussi... le hit de ce été. Oui, bah bien sûr, le grand hit. Message aussi qui est arrivé, où est-ce qu'il est? Je ne sais plus. Alors. Bah, je sais plus, j'ai perdu mon message. C'est pas grave. Je les lirai encore dans quelques minutes. Vous voulez réagir, vous envoyez M.I.K.L. et votre message au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Ça marche aussi avec le Twitter, avec le hashtag M.I.K.L. sur Fun. Et puis on a Kevin, le retour des Pyrénées Atlantiques. Kevin, t'es là? Ouais, je suis là. T'as la radio allumée derrière toi, non? Non, j'ai pas la radio allumée. Oula, ouais, il a juste un téléphone pourri. Ou le haut-parleur, ou le kit ma livre? Ah non. Ah bon, d'accord, je pensais parce que ça faisait un peu d'écho, c'était bizarre. C'est tes oreilles, ils sont trop grosses. Il est cassé un peu, ça. Peut-être. Bon, Kevin, alors, bah, sois le bienvenu déjà. Et donc, toi, tu nous appelles parce que tu disais juste avant le son de Pitbull, là, que t'étais monocouille. Ouais, monoboule. Ouais, monoboule, ouais, bah, c'est pareil. Eh bien, nous allons t'offrir la deuxième. Exactement, c'est un beau cadeau. Non, explique-nous comment ça s'est passé, t'es né comme ça ou il y en a une qui est pas descendue ou c'est quoi? Bah non, parce qu'en fait quand je suis né, j'étais né avec une couille et voilà, et maintenant j'ai un peu honte. Et depuis tu cherches la deuxième? Ah, il faut pas, tu sais, moi tu sais, moi j'ai eu les deux, enfin il y en a une qui est descendue, l'autre pas. Et du coup quand j'avais ta visite médicale, on avait vu qu'il y avait une couille qui était restée en haut. Donc du coup ils m'ont fait 4 piqûres dans le cul, enfin sur la fesse plutôt, pour la faire redescendre, depuis elle est redescendue, donc ça va. Bah, il y a un célèbre acteur de cul qui a qu'une couille. Ouais, il est super connu. Ouais. D'ailleurs. Et puis tu t'en fous, hein. Une couille, ça suffit amplement. Je sais même pas pourquoi on en a deux d'ailleurs. Parce que enfin, c'est au cas où. Parce que voilà. Mais je crois que c'est ça en plus. Ouais. Au cas où il y a une couille qui fonctionne pas, t'as une deuxième couille. Ou de rechange. Mais c'est bien fait la nature. N'est-ce voilà. Pas c'est comme les pneus crevés, quoi. T'es un pneu crevé, tu peux changer. Bah voilà. Et en fait, plus tard, tu pourras te mettre une prothèse. Ouais, tu peux te mettre une prothèse si vraiment ça te gêne. Mais ouais. Franchement, moi, si il me manque une couille, je vais pas me faire chier à mettre une prothèse. Ah, j'en ai rien à foutre. Hein. Quoi, tu mets pas une boule, tu mets une boule dedans et puis. Mais non, mais ça sert à rien. Mais bien sûr, tu vas te la faire toi-même avec un fond. Bah attends, un petit scalpel, tu mets la boule dedans et puis n'importe quoi. Tu t'es infecté de ta gueule et bah tout. Oui. Eh Kevin, qu'est-ce qui te pose un problème dans le fait d'avoir qu'une couille? Parce qu'au final, t'éjacules comme tout le mec, comme tous les mecs, tout marche en fait. Oui. Bah oui, bah, et quoi, t'as envie de te faire une. Mettre une fosse pour avoir les deux boules? Ben, je pense, oui, parce que, en fait, une fois, j'étais au McDo, tu vois, et j'étais en train de pisser, et il y avait un mec à côté de moi. Ouais, et vous vous êtes montré les couilles au McDo? Non, parce qu'en fait, j'étais en train de pisser, et il avait regardé. Non, mais attends. Attends, mais t'es sérieux, moi, le mec, je pisse dessus, j'ai mis une patate. Et non, mais attends, au passage. Hey, franchement, même si tu regardes un mec pisser, tu vois pas s'il a eu deux couilles. Ben oui. Pour peu que le mec il ait un peu de poil et tout, tu vois pas. Ah tu oui, vois pas. Puis, moi je laisse mes couilles dans mon pantalon, ça regarde personne. Bah ouais. Merci Tof, parce que. C'est gentil, c'est bien pour la société, Tof, c'est bien. Mais je vous en prie. Ouais. Et donc alors après? Et il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée. Attends, vas-y, continue. Il a vu que j'avais qu'une couille, et j'ai aussi un autre problème, c'est que je vais aller poilu. C'est très poilu. Ouais, c'est une boule de poil quoi. Non mais laisse-toi pousser les poils comme une barbe. Ouais, voilà. Ça va faire une espèce de touffe. Une touffe de poils autour de exactement. Tes couilles. Et personne saura ce qu'il y a dessous. Non mais attends, mais t'es en train de me faire croire que le mec, donc t'étais au McDo, t'es en train de pisser. Le mec voit que t'as une seule couille et en plus tu nous dis que t'as les couilles poilues. Et le mec arrive à voir que t'as qu'une seule couille. Non, mais nous, c'est pas possible Kevin. Comment un mec ose regarder une couille? C'est ça que je comprends pas. Déjà. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est un McDo gay? Hein? Même. Comment? Je demandais si t'as un McDo spécifique pour les gays. Non. Écoute, moi je vois pas trop ton problème en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, je sais pas, parce que c'est un problème et maintenant depuis, bah, y en a qui se foutent de ma gueule et ça. Et... Non, après, si tu sais quoi? Après, t'es hétéro ou t'es gay? Non, je suis hétéro. Hein. Bon, ah bah voilà, y a un mec qui s'est foutu de ta gueule éventuellement, t'en as rien à foutre. Le jour où t'as une meuf qui va dire, qui va dire quelque chose, là tu pourras éventuellement et encore t'inquiéter, mais là tu n'as rien à foutre. Mais bah oui, y a déjà une meuf qui le sait. C'est pas gras, et alors? Mais elle a déjà tout le monde et maintenant tout le monde m'appelle pour ça. Non mais c'est pas possible, attends. Kevin, à 19 ans, tu peux quand même pas t'inquiéter juste de ça, on s'en bat les couilles. Mais oui, enfin, t'as d'autres problèmes dans la vie, j'espère. Mais oui. Non mais attends, je comprends pas, il t'appelle Boursin, mais pourquoi? Non, c'est il t'appelle pour ça. Ah, oh là là. L'oursin. Ah, l'oursin. Attends, il t'appelle comment? J'entends rien. Attends, j'entends rien, tu dis? L'oursin. L'oursin? Oui. Parce que l'oursin. Mais c'est ridicule. J'ai entendu Boursin. Et comme un con, je lui demande une explication. Calme-toi, Polo, calme-toi, ça va aller. Donc maintenant, il t'appelle l'oursin parce que t'as qu'une seule couille avec des poils. Ben voilà, ouais. Ouais. Merci qui? Jacques et Michel. Mais on s'en fout, allez, bah, prends sinon... ta couille, allez, vas-y, oh là là. Je ne sais pas quoi dire. Il y a Jacques qui dit Kevin, Kevin, ouais. Prends soin de toi pour ne pas perdre la boule. Non mais sinon moi je propose qu'il fasse ses quittés, il la rase bien et tout, sa couille, et puis comme ça lui fera une boule pour faire un billard. Ouais, bah, pourquoi pas, ouais, c'est une idée. Mais il y a une meuf avec qui t'as déjà couché, qui t'a fait une réflexion là-dessus? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, elle a vu et après bah, elle est partie et elle a dit à tout le monde et voilà. Et après tout le monde en fait sur Facebook et au final. Alors que la meuf, elle aurait pu mettre les... Et tu vois, ce qui est chiant d'habitude, c'est que deux boules, ça rentre difficilement. Alors ouais. Qu'une seule, elle peut l'avaler tranquille, quoi. Exact. Bon, appelez-nous, les filles. Vous êtes déjà tombés sur un garçon qui n'avait qu'une seule couille, qui était monocouille. Et comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous avez trouvé ça drôle, pas drôle? Ou vous vous en foutez, en fait? Donc appelez-nous pour en savoir plus. 01 42 48 5000. Kevin, reste avec nous. Si vous êtes en Belgique, 02 851 4x0. N'hésitez pas. On va se faire le gainage. Mais avant le gainage... Il y a les appels malveillants. Ah. La dernière giclée d'appels malveillants, comme tous les soirs. Et nous sommes tombés sur cette grande et magnifique information qui disait donc, eh bien, qu'il valait mieux se masturber au moins une fois par jour pour éviter le cancer de la prostate. Bah, c'est normal, c'est normal. Oui. Il faut vider, il faut purger. Et pour les femmes, il faut également se masturber une fois par jour pour éviter les infections. Bah oui. Bah ouais, comme quoi. Masturbons-nous tous ensemble. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait commencer l'émission par une grande masturbation collective. Allez, va te faire foutre une touche d'une patate, ça. Une bonne idée, tiens. Sale con. Bon, on va donc appeler les derniers numéros de téléphone qu'on nous envoyer sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et c'est parti. On appelle le dernier maintenant, il est 1h32 sur Fun Radio, toujours 0-0 pour Japon-Grèce, et c'est la 74e minute. Oui, bonsoir madame. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de fois par jour vous vous masturbez, madame. Le connard. Pardon? Ah bah dis donc, je crois que c'était monsieur hein. Oui. Non mais j'ai l'impression que c'était madame au début. Ah, je sais pas, vas-y rappelle. Bon attends, rappelle. Ah, il la décroche plus. Si tu veux prendre une chiffre, t'as qu'à venir, je te fais voir. Mais pourquoi vous dites ça madame? Ah non, j'arrive pas à voir si c'est mes amis ou mes chiffres. Ouais, je sais pas, c'est bizarre hein. Attends, on rappelle. Je sais pas. Merde. Oh bah non madame, pourquoi vous dites ça? Là tu me fais chier. Mais pas du tout madame, allô. Ah si c'est madame. Si c'est madame, c'est ouais, madame. C'est madame. Bah, du coup on va la rappeler encore une fois pour lui dire au revoir. Bah oui. Voilà. Pour lui souhaiter bonne nuit. Oui monsieur, pourquoi vous êtes vulgaire comme ça? Enfin c'est pas très gentil. Hier soir j'ai enculé ta femme, salaud. Mais enfin... Pas mal. Bah oui, il a enculé ta femme. Oui. Mais c'est marrant parce que je suis pas sûr, hein. Monsieur ou madame? Bah ouais, franchement, je sais pas. C'est bizarre. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on dit que c'est madame et après il dit oui, bonjour monsieur. Oui, c'est non, vrai. Mais on parlait comme ça, monsieur. Il était perdu. Madame, monsieur, il sait plus. Mais je sais plus là, j'ai bah oui, écoute, bon, le gainage à suivre. Allez, gainons. Oh, j'ai pas envie. Moi, je crois que je vais pas tenir. Eh, monocouille, il a qu'à le faire. Guélage, ouais, ouais, il, ouais. Sa couille. Il le fait pour nous. C'est une idée. Tiens, il y a Léa qui dit n'empêche, on devrait créer un punching tough et tout le monde pourrait se défouler. Ce serait pas mal ça. Et alors, I fuck everybody qui dit mais Kevin, prends confiance en toi, assume et les gens qui se moquent, tu les emmerdes. Ça ira comme ça. Et alors, Valou qui dit moi, je laisse mes couilles dans mon pantalon et ça regarde personne. Celle-là restera mythique. Merci Toff pour les barres de rire. Écoute ouais, avec plaisir. Voilà. Bon, on va se faire le son de Sander Van Doorn maintenant et Martin Garrix qu'on écoute, c'est Gold Skies. Il est 1h34 sur Fun Radio, le gainage à suivre avec Marvin qui va nous filer un petit coup de main comme d'habitude. Et puis bah vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio, on est là jusqu'à 2h du mat, soyez les bienvenus, c'est la nuit sans pub. Martin Garrix avec Sander Van Doorn à l'instant sur Fun Radio, c'était Gold Skies. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct pendant encore 20 bonnes minutes. Là, il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver. On va se faire ce putain de gainage là qui fait chier. Et Kevin est avec nous, toujours la monocouille. Et il y a des messages qui sont arrivés. Il y a Den04 sur le mail qui dit à Noël, il mettra des guirlandes, ça compensera. Pedro Miguel Pauleta qui dit j'ai un pote qui avait une couille, il le vivait très bien, on en a rigolé, on l'a même appelé l'uniboulliste. D'ailleurs il a un gosse maintenant, un bis de la team, comme quoi ça marche. Il y a quoi également là, attends c'est quoi, Mick10350 qui dit il faut qu'il colle des paillettes, comme ça ça ferait une boule à facettes pour les soirées disco. Polo Muchacho Chon qui dit le string latéral pour l'oursin. Ah ouais c'est pas mal. Une bite avec une seule boule, c'est comme un éléphant avec une oreille, c'est pas naturel. Big up à tous les bichos, ils se reconnaîtront. Aurore qui dit j'écoute tous les soirs votre radio, vous êtes super, mais j'ose jamais vous appeler. Mais pourquoi Aurore? On va pas te manger, t'inquiète pas. Et Léa qui dit n'empêche, on devrait créer. Ah oui, Punching Tough, je l'avais déjà lu tout à l'heure, autant pour moi. Et il y a Gwen également de Reims qui est avec nous. Salut Gwen. Bonjour Mickaël. Bonjour Gwen, comment ça va? Ça va très bien et vous? Bon oui, très bien Gwen, t'as 21 ans, toi t'appelles de Reims? Ouais c'est voilà. Ça. Voilà, et donc toi tu voulais donner ton avis par rapport à Kevin. Est-ce que t'es déjà sorti avec un mec qui n'avait qu'une couille? Eh ben oui. Et, Reims, Reims doit ou pas? C'est drôle ça. C'est Toff qui me l'a soufflé. Oh c'est nul. Quel mytho. Oh là là, c'est une vanne de merde. Putain, ouais, on dirait un vieillard. C'est pas terrible vient... là, les vannes ouais. Comme ça. Ah ouais, et qu'on nous dit vite. On dirait un vieillard qui a sorti sa vanne. Ouais. Bon ça, alors. Il a 60 ans en plein, non? Ah oh, bah minimum. 75. Minimum. Ouais. Bon, bon, en même temps, je vous comprends parce que je vous écoutais quand j'avais 14 ans. Donc j'imagine même pas l'âge que vous avez maintenant. Je vois pas ce que tu parles. C'est impossible. Sur une autre radio. Ah non, c'est faux. C'est impossible. Quand t'avais 14 ans, ça veut dire il y a 8 ans, 7 ans, pardon. Vas-y, je sais pas, mais c'est pas il y a longtemps. J'en ai que 22. J'ai commencé la radio il y a 6 mois. Voilà, moi aussi. Ouais, bien sûr. Donc, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Tu dois certainement te tromper. Ouais, ça doit être ça. Bah ouais, bref, parce que. C'est pas le sujet, que... non. Bah non, c'est pas le sujet, non. Passons c'est vrai. Des choses plus intéressantes. Gwen, combien mesures-tu? Je mesure 1m61. Parce que la dernière fois, t'avais 14 ans, donc il pouvait pas le faire. Alors, combien pèses-tu? Et pourquoi ça se demande pas ça une oh femme? Oh là là, oh. Mais qu'est-ce que. Eh, monocouille là! Ah, oh, il est relou là! Oh là. Alors, Gwen, combien pèses-tu? Je pèse 53. Quel est ton tour de poitrine? Mais dis pas que ça se demande pas. Surprise! Alors, combien? Je ne dirais pas. Oh là là! On m'attend devant la France entière, mais moi je suis timide, je suis pas une. Bon, d'accord, comme attends, ça, tu vas me le dire à moi tout seul. Bah, si, dis dans l'oreille, en 13. Voilà. Alors, Toff est parti au standard avec sa tête de con. Et il est content. Il se la raconte, la gueule. Oh la vache! Bon, c'est combien? Ouais, c'est foutu de ta gueule, mec. Oh la vache! Bon, combien? 95C! Bah oui, bah, ça va, c'est la moyenne. Ah, oui, c'est une très très belle moyenne. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36-38. Ah bon? Bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne? Non mais attendez les gars, c'est pas le sujet là, tranquille. Non c'est pas grave, je saute dans l'autolib et j'arrive à Reims. C'était juste comme ça, une petite parenthèse. Bon. Ok bon voilà, tout à l'heure. Mais alors, sinon. La monocouille. Eh ben écoute, c'était il y a 2 ans. Et en fait, mon ex avait une seule boule. Et en fait, il me l'avait pas dit tout de suite. C'est juste au moment où en fait où on est passé à l'acte où ça a fait que bah. Tu l'as palpé et là tu t'es dit il y a un problème. Non, en fait c'est au moment où ça commençait à être vraiment chaud, en fait il m'a dit bah lui, il était trop gêné, il m'a dit bah voilà, enfin j'ai une petite malformation. entre les entrejambes, on va dire ça comme ça. Moi j'ai une bite qui est en forme de U. Ouais, voilà. Et donc du coup, bah, ça va, c'était pas l'écart non plus. Donc il y avait juste une couille en moins, c'est tout. Mais c'est ça, moi je comprends pas quel est le problème. Je vois pas à quel mais moment. Ouais, mais pas du tout, parce qu'après ça change rien en l'acte en lui-même. Enfin, ben non, tu, après, la couille, tu la rends pas. Ça faisait pas mal quoi. De temps qu'on parlait. Donc c'était quelqu'un que je connaissais bien et tout. Donc c'est passé, il n'y a pas eu de soucis. Puis moi ça m'a pas gêné quoi. Et puis sincèrement, mieux vaut. Avoir une bite et une couille que d'avoir deux couilles et pas de bite. Mais c'est pas faux. C'est vrai. Non, vaut mieux avoir une couille et se servir bien de sa bite que être. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Gwen, la dernière fois qu'on t'a eu au téléphone quand t'avais 14 ans, t'étais pas bourré. Ouais. Hein? Mais je suis pas bourré là non plus. Bon, t'avais pas 95 C non plus, mais t'étais pas bourré. Elle avait le téton qui pointait à l'époque. Demain, j'ai un entretien d'embauche là, les gars. Je suis pas bourré. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Entretien d'embauche, tu n'oublie pas de mettre le décolleté, hein, plongeant. Merci, non. Je pense que je vais l'avoir grâce à mon CV. Non, ça tu rêves ça. C'est fini le temps où les patrons engageaient par rapport au CV. Hein. Tu n'as plus 14 ans. Ouais, c'est ça, c'est terminé ces conneries. Bah ouais, mais les gars, c'est Martine qui m'a appelé, donc je pense que mon décolleté elle s'en fout quoi. Bah, et alors, tu sais pas, parce que peut-être pas. Que c'est Martine qui aime les femmes, Hein. Ouais. Il y a conspiration des lesbiennes. Bah ouais, jamais, tu peux pas savoir. Martine, elle va t'attendre tout en cuir avec son fouet, tu exactement, vas voir Armaline. Tu peux pas savoir. Attends, il y a Camille. Sors la pomme, Martine. Attends deux secondes, il y a Camille également qui est avec nous de Brive, 19 ans. Salut Camille. Wesh l'équipe. Wesh, t'as vu ou quoi? Ah ouais, je suis déçu. Ah, Capi, wesh, je pensais que ça allait être un mec, une meuf, pardon. Ouais. Ah, je suis très déçu là. Ah bon? Ah ouais, je pensais que ça allait être une fille Camille, moi j'étais genre... J'étais content. Bon bah c'est pas grave Camille, t'as bienvenue quand même. Toi t'es déjà prêt à faire les chiffres et les lettres. Je suis hyper déçu quoi. Bon Camille, est-ce que t'es monocouille? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui l'est? J'étais monocouille. Ah, comment ça, t'étais monocouille, il est redescendu? Enfin, parce que moi aussi, dans l'absolu, je l'étais, hein, mais... Ah, t'as le kit Malibu pour le haut-parleur, là, Camille? Ou alors tu parles avec ta couille? Parce qu'on t'entend mal. C'est la couille qui fait les interférences. Non, j'ai rien du tout. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Bon, et donc, du coup, tu t'es fait mettre une prothèse? Ouais, mais en fait, ça servait à rien, mis à part que ça pèse plus lourd, maintenant. Bah oui, c'est ça, ouais. Dans l'idée... Je peux comprendre qu'on mette, qu'on se refasse faire les seins. Je peux comprendre qu'on fasse, j'en sais rien moi, se refaire la le nez, les oreilles. Et regarde mais, mais je regardais Toff pour voir ce qu'on pouvait se faire refaire. Mais de là à se rajouter une prothèse pour avoir une fausse couille, c'est bizarre quand même. Mais pourquoi tu l'as fait? Hey, attends, juste un truc vite fait. Pourquoi t'as pas utilisé ça pour faire une espèce de coffre-fort par exemple? Ouais, tu fais la bourse, tu vois, une vraie bourse. Ouais, une vraie bourse pour mettre ta thune. Voilà, avec un petit truc, une petite ouverture sur le côté. Un petit zip. Hop, tu t'ouvres les couilles, tu prends la thune et hop, tu la remets. Comme ou ça. Un truc de pour mettre de la bière dedans. Mais oui, de la bière. Et quelquefois, t'es con, toi. Ah oui, ça c'est pas il est né comme ça, tu sais. Hein, ça, mais c'est toi qui es con, monocouille. Non, mais ça c'est il est né comme ça, on peut rien y faire, malheureusement, là, Camille. Ça, on l'a déjà tout fait. S'il a la bite poilue, s'il a la couille poilue, il a lui mettre dans l'oreille, il s'en sert comme contentif, je n'allais pas content de ta meuf. Hein. C'est vrai, Kevin, hein, pourquoi pas. En même temps, il a pas de meuf, hein, donc de ce côté-là, on est tranquille. Ouais. C'est juste qu'il y a une meuf qui l'a vu et du coup, enfin, qui le sait, du coup, on l'appelle l'oursin. Voilà. Ouais, même ça c'est peut-être parce qu'il a la couille qui gratte. Ouais. Attends, il y a aussi Johan qui est avec nous. Salut Johan. Salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Bien. Bon, t'appelles d'Agen toi? Ouais, voilà, ouais. Bon, et très bien. Comment? Non, je dis très bien, vas-y, on t'écoute. Ah, pardon. Non, en fait, quand j'étais gamin, j'avais une boucle qui faisait l'ascenseur. Qui montait, qui descendait constamment. Ah oui, pareil. Ouais, il l'appelait le yo-yo. Quand la puberté est arrivée, quoi, elle est restée en bas, quoi. Ah bah ça va, t'as eu du bol, parce que moi comme je l'ai déjà expliqué, hein, mais moi j'avais qu'une seule couille, l'autre était restée à l'intérieur, mais elle avait trop froid. Et donc du coup pour la faire redescendre il fallait faire des piqûres, je lui avais trois fois chez le médecin, trois piqûres sur la fesse et puis c'est redescendu. Putain. Après le doc dirait que ça empêche pas qu'il ait qu'une boule, ça empêche pas ni leur place ni leur production. Bien sûr, mais évidemment. Après il y a des mecs ils avaient les unis. On a deux boules pour pouvoir faire soit des garçons, soit des filles. Suivant laquelle donne. Non, pense pas que ça marche comme ça. Je ne pas jusque là. Hein. C'est une théorie du Moyen-Âge, c'est une théorie du Moyen-Âge qui s'est avérée fausse. Ouais, c'est pareil, la meuf, elle a un ovaire à gauche, un ovaire à droite, et c'est le seul qui sort, c'est un garçon et une fille. Puis t'as tous les spermatozoïdes qui arrivent. Au moins, oh putain, je vais là. De quoi? L'avantage qu'il a lui, au moins, c'est qu'il peut serrer les cuisses. Oui, effectivement, effectivement, ça a le côté positif des choses, c'est clair, ouais, c'est clair. Ouais, bon, ouais. Et donc du coup, Gwen, qu'est-ce que t'aurais comme conseil à donner, toi, à Kevin, alors vu que t'as déjà vécu ça avec la monocouille? Bah, qu'il s'assume comme il est, enfin, je vois pas où est le problème. Bah, moi non plus, mais bon, lui, apparemment, bah, ça lui fait un blocage. Ça peut paraître très cru ce que je vais dire, mais tant qu'il sait bien servir de son engin, je vois pas où est le problème, quoi. C'est ça, cru, en fait, ça. Le problème. Mais non, enfin, mais moi je peux. Alors je vais te donner une explication. Je pense que c'est une question esthétique. Il doit se dire, c'est comme une fille qui veut se refaire les seins parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Donc elle veut se refaire des nibards pour se dire qu'elle est comme tout le monde. Et lui, il veut être comme tout le monde. Ouais, mais en même temps, à quatre pattes, la meuf, elle voit rien. Bon, concrètement, oui. Il s'en fout, quoi. Tant qu'il a personne qu'il aime. Ouais, les personnes qu'il aime et tout. Mais ça, c'est de la connerie. Là. Attends, tu me parles de l'amour, là. Quoi, et puis, prince charmant, et puis la princesse, elle est là dans son donjon, et puis va sortir sa couille, il va tuer le dragon avec. Non, mais peu importe. Et sincèrement, moi, je te donne. Après, si au niveau des lui, il pense qu'il y a besoin, bah voilà, il s'est posé une prothèse et puis c'est tout, quoi. Voilà, là d'accord, ok, mais sinon, franchement, que t'es qu'une couille ou deux. Bah, on s'en fout, franchement. Bah oui, clairement. Attends, il y a Marie aussi qui est avec nous. Alors attendez, on va prendre Marie qui est avec nous là dans le gare. Salut Marie, pour finir. Bonsoir Marie, bonsoir. Ça va bien Marie? Oui, ça va, très bien. Bon, allez, dernière pour parler des monocouilles. Là, Kevin, écoute bien, c'est des questions, n'hésite pas. Et bah, on t'écoute Marie. Voilà, c'est pour dire au jeune, il n'y a pas de problème parce qu'il a qu'une couille. Parce que je suis mariée avec un monsieur, ça fait 31 ans, il a qu'une boule. Ouais. J'ai trois enfants. D'ailleurs, dans les NEM, il n'y a pas de boule du tout. Ta gueule, Toff, tu prends une minute et tu vois, ça va saouler là. Allez, voilà, on est débarrassé de Toff pour les minutes. Allons à la bonne heure. Vas-y, Marie. Voilà, il a qu'une boule. J'ai quand même trois enfants. J'ai mon fils aussi qui a une boule. Et il a un enfant. Alors, C'est de père en fils. En fait, c'est une famille de qu'une boule, en fait. Ah ouais, bah finalement, bah, les deux, le père et le fils, ça fait deux couilles, quoi. Voilà. Ils se partagent, en fait, Et ouais, je savais pas que c'était héréditaire. Non, en fait, mon mari, il a eu une maladie. Ouais. Ils étaient obligés de lever une boule. Et mon fils, en fait, quand il était bébé, la boule n'est pas descendue. Ah bah comme moi, ouais. Bah, moi, c'est redescendu après. Voilà, non, il n'a pas descendu, Il était opéré, il l'a enlevé. D'accord. Ça fait que maintenant, il a qu'une boule, mais il a quand même un petit garçon. Ah bon, mignon. Eh ben écoute, tant mieux. Dis-moi Marie, ce petit accent là, ça vient d'où? Ça russe, non? C'est portugaise. Ah merde, putain, t'as vu? Oh, tu es bon. Chinoise. Ouais, moi aussi, asiatique en tout cas, tu vois. Ouais, moi aussi, mais Sandro, Sandra me dit, ah mais non, c'est une portugaise. Ah. Bah ouais. Ah ouais, moi j'adore le Portugal alors. Ouais, bah, sur le Portugal j'ai reconnu. Pourtant je suis portugais aussi, tu vois. Je pensais que t'étais plutôt asiatique avec l'accent. Bizarre. Ah non, pas du tout. Ah bah voilà, je pensais, très bien, parfait. Bon, tu seras devant, j'imagine que ton mari et les enfants là seront devant la télé dimanche soir à minuit là pour le match Portugal. Ah oui, on a perdu l'autre fois, mais on va gagner quand même. Ça va aller, mais évidemment, on va leur montrer à ces bouffeurs d'hamburgers là comment ça se passe. Une bonne fartourage dans le fion et tu vas voir comment ça va se passer. Mais oui, évidemment. Mais oui, évidemment. Au pire, comme ils partent plus tôt, vous allez pouvoir finir les stades qui sont pas terminés à San Paolo là. C'est drôle ça. Tranquillement. Non, mais moi, si t'allais te faire enculer pour voir. Bah vas-y. Non, mais bon. S'ils pouvaient rendre service. Ah, le cliché, ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est parce qu'il est con, qu'est-ce que tu veux. Oui, ils sont enfin. Pas tous garçons, il y a aussi des carreleurs. Johan. Et il est content, ouais, il a fait sa vanne de merde, là, il est content. Tu sais comment aller, on devine au Portugal le métier des garçons. Vas-y. Non, c'est nul. Tu les lances contre le mur, s'ils restent collés, ils sont plâtriers, s'ils tombent au sol, ils sont corleurs. Ah mais c'est drôle. Ah mais ça dépend, mais parce qu'il y en a qui tombent même pas par terre, ils restent en l'air. Alors, quand ils restent en l'air. C'est des pilotes d'avion. Bon, on va arrêter avec ça. Allez Johan, passe une bonne soirée, merci d'avoir appelé. Moi aussi je suis à moitié portugais. Ouais c'est ça, mon cul, ouais, la honte, jamais de la vie. Bon, salut Johan. Salut. Ciao à toi. Et Marie, merci beaucoup, gros bisous. Bisous, bonne allez, soirée. Salut à toi, ciao à toi Marie. Merci. Allez, à bientôt dans le Gard, ciao à toi. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, Gwen, je te fais des bisous aussi hein. Bah écoute, tout pareil. Et bah voilà, et bah je t'embrasse, tu repasses quand tu veux. Eh ben écoute, avec plaisir, dans 8 ans du coup. Non, bah, un peu avant, tu peux nous appeler un peu avant si tu veux. Hein. Envoie-moi ta photo à polo@radio.fr. Mais non, mais je comprends pas pourquoi il s'obstine. Mais non, mais je vois à quoi ressemble. Le problème, c'est que je sais que t'es moche. Mais oui, mais moi je suis moche. Non, mais c'est vrai. Merci Gwen. Attention Gwen, ne confonds pas avec Toff. Hein. Non, mais Gwen, moi je le sais. De quoi? Que je suis moche. Ouais, et alors? Eh bah oui, non mais t'es en train de te la raconter, mais envoie ta photo qu'on puisse juger. mais ça se trouve, je suis super moche aussi. Bah oui, c'est ce que je dis, mais moi je le sais. Voilà. Bah si t'es super moche, alors tu me l'envoies à moi. Voilà. Donc c'est off@funradio.fr. C'est ça, ouais. On puisse se marier. Bon, okay. Allez, Gwen, je te fais des bisous, hein, n'hésite pas. Tu passes quand tu veux. Et à bientôt. Gros bisous, Gwen. Ciao à toi. Ciao. Allez, bye. Bon, le monocouille, l'oursin. Ouais. Oh, je rigole. Bon, Kevin, t'inquiète pas, te prends pas la tête, on s'en branle. Hein, que t'es qu'une couille ou deux couilles ou trois couilles, on s'en bat les couilles. Tant que tu bandes, c'est que tout va bien. Et tu dis, c'est quoi ton expression du coup, je m'en bats la couille? Bah ouais. Non, mais. Non, mais c'est parce que je dis, on s'en bat les couilles. Et puis là, ça vient de faire tilt. Je me dis, putain, mais en fait, il y en a qu'une seule. Donc tu dis, je m'en bats la couille. Ouais, on l'a déjà dit aussi. Ah bah, j'imagine, ouais. Bon, allez, Kevin, salut à toi. Hein. Je peux passer une dédicace ou pas? Vas-y, ouais. Ben, j'envoie une dédicace à Saint à Sable, du C5. Et tous les monocouilles de France. Et tous les monocouilles de France et de Navarre. Voilà, tous les monocouilles de France. Très bien. Tout voilà, et puis ça ira comme ça, parce qu'on en a fait assez là, comme ça. Ça va faire chier tout le monde sinon. Hein. Bon, merci à toi, Kevin. Salut à toi, à bientôt. Ouais, merci toi aussi. Ciao, Kevin, et bon week-end. Bon, c'est fini pour le match là. Japon-Grèce, ça s'est fini sur un 0-0. C'est bien ça. Bon, chiant, dommage. Hein. Voilà, c'est dommage, un petit 0-0. Bon, on se fait Kiesa maintenant avec Hideaway. Oh merde! On n'a pas fait le gainage. Oh, on n'aura plus le temps, on va devoir faire la finale à Marseille. Merde! Take me high. Le son de Kiesa à l'instant, Hideaway sur Fun Radio. C'est parti pour Polo contre le reste du monde. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue, vous êtes sur Fun Radio et c'est Polo contre le reste du monde. On commence tout de suite avec Quentin. Quentin, bonsoir. Bonsoir. Salut, qu'est-ce que tu veux? Rien. Et pourquoi t'appelles alors? Je voudrais savoir à quoi tu sers. Oh putain, mais tu vas pas me la faire tous les jours, toi idiot. Non, mais tu veux, va dormir à ton âge, va dormir, va te laver le cul et puis va dormir, allez, casse-toi d'ici. Théophane. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ce serait pour devenir un doux. Parfait, voilà quelqu'un d'intelligent. Quentin, tu vois, tu devrais prendre exemple sur Théophane, idiot, va. Théophane, attends deux secondes, j'arrive. Le bon canulariste. Ouais, bon. Ouais, je t'écoute. Ouais, en fait, tu m'avais dit de rappeler pour un canular. Ouais. Alors, je t'appelle. Bon, tu veux faire quoi comme canular? Tu veux qu'on appelle qui? Bah en fait, je voudrais qu'on appelle ma belle-mère. Parce qu'en fait, on va lui dire, je suis coincé sur le toit, tu vois. Ok, ouais, attends, ouais, on arrive, attends, calme-toi. Marvin. Allô, Marvin. Espèce d'abruti, est-ce que tu peux répondre? Marvin. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con. Marvin. Bon, le fou. Le fou. Le fou, pas de fou, une fois, le fou, deux fois. Quentin. Ouais. Ouais, je t'écoute. Et tu seras quoi? Bon, et Quentin? Quoi? Ouais. Moi, je sais à quoi je sers, mais toi, on sait pas toujours. Allez, casse-toi d'ici, dégage. Théophane. Oui. Bienvenue, Théophane. Tu veux devenir d'où? Officiel. Oui. Très bien. Tu veux faire quoi exactement dans la douce sphère? Comment? Tu veux être... Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Même temps, pourquoi j'ai ri de tous les cons? Mais non, mais je lui demande ce qu'il veut devenir. Dans la douce sphère, il suffit qu'il dise quoi. Oui, on sait. Bon, allez, dégage. Tu seras pas doux aujourd'hui. Le bon canulariste. Ouais, on l'appelle. On l'appelle. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Allez, hop là. Le bon canulariste. Ouais. Elle arrive. Ouais, ouais, je suis prêt, pour l'instant. Ouais, t'inquiète. Ouais. Oui, allô? Ouais, allô, allô? Oui, c'est qui? Ouais, c'est moi, c'est Quentin. En fait, Quentin, ça va? Ouais. En fait, je suis sur le toit de l'immeuble là. Ouais. Et en fait, j'ai peur, je sais pas descendre, je suis coincé. Mais qu'est-ce que tu fous sur le toit de l'immeuble, Quentin? Bah, je suis monté, j'ai pris par le mur et puis je suis monté, je suis arrivé en haut sur le toit et donc du coup là je sais pas descendre. Bah ouais, mais je sais pas, j'ai peur, c'est haut. Hein, je vais tomber. Il y a combien de mètres? Je sais pas, moi, il y a des étages, quoi. Ah, parce ça va, tu sautes. Ouais, mais non, je peux pas sauter, hein, je vais tomber. Mais non, tu sautes tranquille. Non, mais non, je vais tomber, je vais me faire mal, je vais m'écraser. Mais non, faut que t'appelles... Tu as délacé aussi? Oui, j'ai délacé, pourquoi? Tu les accroches. Ouais. Les deux. Et ouais. Tu descends comme ça, comme une corde. Ah ouais. Ah oui, bah je vais faire ça. Ah bah merci, hein. Ok. Bah y'a pas de soucis, mon ange. Bon, bon, les Mongols. Ouais, hein, foutez le camp d'ici, le fou. Ouais, Polo. Ouais. Écoute-moi bien. Je vais t'enculer, mais je vais te biffler violent. Ah, vas-y, hein, vas-y, je t'écoute. Mais je vais t'enculer. Ouais, vais... c'est bien, bravo. Marvin. Ouais. Ouais. Bon, vas-y, dégage. Théophane, tu veux devenir doux? Oui. Mets-toi à genoux, Théophane. Ok. Ok, Théophane. Oui. Insulte-toi. Je suis un PD. Ok, continue. Je suis un PD. Bon, prends ton téléphone dans la main droite. Ouais, c'est fait. Tape-le-toi sur la tête. Bon, Théophane, tu es doux officiel, bravo. Ouais. Ah, tu es le doux qui a un nom de merde. Allez, casse-toi. Le bon canulariste. Moi. Ouais, deux secondes. Le fou. Je peux faire générique? Non, dégage d'ici. Marvin. Oui, je peux faire le générique. Tu veux quoi? Faire le générique. Ouais, oh là là. Marvin. Oui. Tu me fais mal au cœur. Mais non. Ouais, tu sais que d'ici la fin de la semaine prochaine, tu vas peut-être raconter ta blague. Ah bon? Oh là là là là là là là. Le bon canulariste, conclusion s'il te plaît. Ouais, bon, mais on va pas rappeler hein, parce qu'en fait je crois qu'elle a pas compris que ouais. Non mais en fait c'était de la merde ce que t'as fait, d'accord? Ah non, bon, pourquoi tu dis ça? Est-ce que t'es mauvais? T'es mauvais, bah non, t'es mauvais. C'est un bon canulariste. Allez, raccroche-toi au nez, allez dégage. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Et ben voilà, c'était parfait comme ça, cette finalité était parfaite. Impeccable. Bon, on va se faire le top tweetos et puis on aura le générique qui va débarquer dans quelques secondes sur Fun Radio. Marvin du coup qui va faire le générique avec nous. N'oubliez pas qu'on se retrouve dimanche, enfin samedi déjà à 16h sur la plage Borély à Marseille pour faire des jeux ensemble. On aura des casques Beats by Dre à vous offrir, on aura des smartphones également, donc venez nombreux et nombreuses, je compte sur vous. Faites venir vos potes également, même s'ils connaissent pas l'émission, c'est pas grave, on fera connaissance comme ça. Et puis le dimanche à 16h aussi, on sera sur le Vieux Port pour faire le gainage et la finale du gainage avec là aussi des cadeaux à gagner. Et puis vers 17h, un truc comme ça, on ira bouffer au plus juste à côté d'ailleurs, hein, au frais de Toff. Donc venez nombreux et nombreuses là aussi. S'il y a des potes à vous qui connaissent pas l'émission, bah venez aussi, hein, on ira bouffer gratos au frais de Toff. Donc hein, tous, hein, vraiment, c'est pas une blague, on l'avait déjà fait au Havre, on va le refaire maintenant. Donc voilà, dimanche 16h sur le Vieux Port et dès 20h, on fait l'émission en direct des studios de Fun Radio Marseille. Donc si vous voulez venir voir à quoi ressemble l'émission et comment ça se passe à l'intérieur de la radio, vous êtes évidemment les bienvenus. 49 Quai des Belges à Marseille sur le Vieux Port. Numéro 5 au niveau du top tweetos, qui est-il? Choucroute. Numéro 4. Follow me Jay. Numéro 3. Mister Steven. Numéro 2. Le Nadia le Prince. Et qui a tweeté le plus ce soir? Vladimir Poutine. Et évidemment, qui a déjà gagné. Donc c'est Follow me Jay qui n'a pas encore gagné, je pense. Oui. Bravo Follow me Jay, bienvenue à toi. Et puis le sextoy offert par passagedudésir.fr, avec lequel tu repars, bien entendu. C'est parti pour le générique de fin maintenant avant de partir. Let's go. Ferme ta gueule de merde. Gueule de merde, toi l'enculé. Et sucez-toi l'enculé. Encule ton oncle. Comme toi, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Attends, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Marvin, mind-toi, espèce de con, on t'entend pas. Merde, gros PD, je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter, gros PD que tu es. Ta mère, t'es une grosse salope, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu viens, je te sperme moi au visage. Je nique ta mère, mon. Oh, que veux-tu? Ils sont canadiens. Je nique ta mère, mon gros patard petit, hein. Alors enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Boule putain de sucer, toi l'enculé. Et toi, ton nom, c'est l'enculé. Oui, tous les deux. Il est mauvais, Marvin. C'est vrai. Suce ma bite. Voilà. Et l'émission se termine là comme ça. Très bien. Salut, Marvin. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Alors, pour la blague dans Polo contre le reste du monde. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a, on va se retrouver à Marseille. Donc, comme je le disais, toutes les infos, c'est sur le Facebook que ça se passe, Facebook et Twitter. Je souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Amusez-vous bien. Bon courage pour ceux qui ont le bac ou les examens. Et puis, on va se marrer ce week-end à Marseille. Je compte sur vous. Et on ira boire un petit mojito aussi au frais de Nico, un auditeur qui nous avait invité. Ah merde. Je vais lui répondre par mail. Il m'en a fait un. Tiens, je vais lui répondre. Salut tout le monde et bon week-end à dimanche soir 20h. 23h, 2h. Touchdown. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est Guillaume qui va débarquer pour la dernière fois ce soir. Yes, je suis là. Oui. Bonsoir, ça va bien? Bah ça va, tu m'as fatigué Polo, hein, je te le dis. Je m'en fous, arrête de raconter ta vie. Fais du bon boulot, il fais raconte, des bons trop de gros mots. Tu le gros, exactement. Ouais. Trop de blaireau, tu le blaireau. Voilà. Bon, bah bon week-end de tout le monde. N'oublie pas tout à l'heure 6h, c'est Bruno qui va débarquer sur Fun Radio pour la dernière de la semaine. Et puis bah la dernière de Guillaume, donc jusqu'à 6h du mat. Hein. Yes. Et voilà. Bon, on va se mettre autour de. Il y a pas de pub. Voilà. En plus, les Black Eyed Peas avec Boom Boom Pow. C'est parti ça maintenant. Yes. Vas-y, lance. Allez, à dimanche tout le monde. Ciao. Ciao. Vous êtes sur Fun Radio. Bienvenue à tous. Il y a pas de pub, on s'éclate. Les Black Eyed Peas sur Fun. Got a good cap. Got a good cap.